Salut, c'est partenaire. Salut, c'est particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. J'espère que vous n'allez pas finir par vous y ennuyer, puisque c'est l'heure de notre émission 80 à l'heure, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. Une émission ce soir avec une belle actualité, et vous aurez bien sûr tous vos chroniqueurs, mais aussi un groupe qui va venir nous rejoindre d'ici quelques minutes, que vous connaissez, qu'on avait reçu il y a quelques années, il y a 2 ans, me paraît-il. Il paraît. Donc c'est, oui, c'est ça, ouais, ça voilà. Donc, qui fêtent leurs 10 ans d'existence. C'est le groupe Lily Quay qui sera avec nous. Mais avant de les recevoir, évidemment, on va faire un tour de table. Nous sommes ce soir avec Canon. Salut la France, salut la Belgique, salut le monde. Le grand retour de Canon. Bah oui, bah j'ai l'impression que je vous ai manqué. Bah, je ne suis pas venu qu'une fois. Ça n'est qu'une impression. Pas trop, en fait. Oui, mais non, non, dire, non, voilà, oui, ça serait bien la première fois que je vous manque. De con. Et voilà, vous ne m'avez pas manqué. Ça fait du bien de vous voir qu'une fois tous les 15 jours. C'est vrai ? Ah, franchement. Eh ouais, bah, on se demande si finalement on va pas tous faire ça, on va faire une tournante et venir une fois tous les 15 jours. Bah, pour une tournante, on va attendre qu'Onissa soit avec nous. C'est vrai, c'est vrai. Bah, tiens, dis donc, vous avez des nouvelles d'Onissa ? Oui, elle sera pas là avec nous. Oui, voilà. Elle a un petit problème, un petit gros problème de santé. Sa vie n'est pas en danger. Donc, voilà. Bon, ok. Là, elle peut pas être là aujourd'hui. On la salue au passage, bien évidemment. On fait une tournante avec Véro. Notre Onissa, c'est notre chroniqueuse préférée. Oui. En même temps, on en a qu'une. C'est donc forcément. Sherlock, qui est avec nous, évidemment. Sherlock. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Alors, Sherlock, qui chimou là en ce moment. Hein, c'est ça. Au niveau technique, c'est un peu dur en ce moment. Évidemment, donc aussi, il y a des petits couacs qu'il ne faut pas lui en vouloir. On a une toute nouvelle table qui est en remplacement de celle qu'on avait, parce que comme. Les auditeurs l'ont entendu les semaines précédentes. Il y a eu des petits soucis techniques. Donc là, elle est partie en réparation. On a une toute nouvelle table. Et bah, je la découvre ce soir. Donc, c'est ça. Voilà. C'est ça qui est inquiétant, en fait. Voilà, c'est ça. Mais ceci dit, ce sera évidemment donc un 21h. La chronique Ciné Rétro 80. Ouais. Où je vais essayer de vous faire deviner un film des années 80 que j'ai regardé cette semaine. Ouais. Quelle année 80, je veux dire. Ouais. C'est les années 80, mais alors. Ah, c'est bon, parce qu'à chaque fois on arrive à le coller. Il va te la faire à chaque fois, et tu te la prépares pas, mais attends, ça fait un an qu'il te l'a fait. Sherlock, je parie que c'est sorti un mercredi. 89. Avec quel titre ? Non, ça va pas te le dire tout de suite. C'est sorti un mercredi. Mais tu vas le trouver. D'accord. 22h, évidemment, c'est les sorties Cinoche. Oui, voilà, c'est ça. Donc les sorties Cinoche, ça va dire. Demain. On va vous donner envie ou pas, donc d'aller au cinéma, au Forever ou pas. Donc ce sera donc ça à 22h. Flip 4. Oui. Le grand retour, bah non, c'est pas le grand retour, il était avec toi la semaine dernière. Il était déjà là, oui. Il était déjà là, Flip 4. Le 4. Grand retour depuis la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Voilà. Vu comme ça. Chronique ce soir. Oui. Alors, sur une que j'aime beaucoup, c'est ça. Oui. Blondie. Enfin, oui, voilà, le groupe Jadiane Blondas, non, pardon, Blondie, excusez-moi. Blondie, Blondie, absolument. Oui, DBI. Oui. Ça marche, 21h30. Hein. 21h30. Ça marche. Eh bien, tout ça sera ponctué de musique, évidemment, avec, comme vous le savez, comme tous les premiers mardis du mois, notre ami Stéphache. Oui, bonsoir. Alors, faut pas aller tout près, loin du micro, ça a changé, non ? Ça a l'air d'aller, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, ce soir, en plus, on se partage les micros, c'est vrai que c'est. On est encore plus nombreux que d'habitude. Hein. Je pense que là, on va bientôt. On n'a pas encore battu les records. Hein. Je pense que c'est quand il y a des miss, hein, quand même. Hein. Parce que quand il y a des miss, bizarrement, il y a toujours plus de monde ici. Et puis, on finit en cas. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, très content de vous retrouver. Hein, parce que ça fait un moment déjà, n'empêche. Hein, c'était le 2, 3 janvier, quelque chose comme ça. Donc, 2014. Canon, ouais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on parle pas, on s'entend pas dans le micro. Parce qu'on a oublié de dire aussi, il manque un micro. si tu parles dans le support, là, ça va pas aller. Donc ce soir, des films X80, le retour, donc comme d'habitude, avec. Des films X80. Des films. Ça, ah, c'est d'accord. Ouais, ça, c'est toi qui fais deviner des. Non, parce que tu l'as dit tellement vite, j'ai compris. Des films X80. Peut-être. Waouh. Peut-être. Ça a changé. Peut-être. On verra ça plus tard. Non, sinon on va rester sur la partie musicale, donc pas des films X, hein, mais du défi mix 80 avec dans le sac à mix 500, 600 titres, j'ai pas recompté, je vous avoue. Et donc objectif, vous allez en tirer 6 au sort, c'est tout style confondu, et objectif pour moi, essayer de faire une session d'une quinzaine de minutes avec tout ça, et ça va encore être folklorique, je sens. Ok. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on se fasse une coupure musicale, oui. Qu'on reçoive le groupe Lilikwai, comme ça ils nous feront le tirage au sort de la première session de Stéphage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des tireurs fous. C'est des tireurs fous. Ils vont faire ça très bien. Ouais, ils seront avec nous donc juste après la petite coupure musicale. Ouais, alors on va se retrouver juste après Roxy Music et Slave to Love. Ah. Et je crois que c'est Canon qui en avait parlé il y a quelques temps, Jesse Garon avec nous deux. Ah oui, tout à fait. C'était la phase B d'ailleurs de. C'était la phase B du fait de la phase A. Je l'ai retrouvé. Mais non, c'est lundi. Non, ça c'est. Alors on confond à chaque fois, mais si c'est ça, Jesse Garon, c'est lundi. Si, c'est lundi. Donc c'est la phase B, c'est lundi. Et faut pas confondre avec Jesse Maron. Non, la phase B de c'est lundi, c'est Boy Bob Boogie. Je suis un boy Bob Boogie tonight. Ça c'est la phase B. Donc dans son album, mais c'est vrai, il y a eu un maxi. Il y a eu un maxi 45 tours. Ouais. Et vous savez que parfois, quand les maxi 45, ils n'arrivaient pas à faire un mix qui dure pendant plus de 10 minutes, vous aviez une piste assez large, elle moi, et une plus petite piste. Tu vois ce que je veux dire? Ils arrivaient à en mettre 3. Ah oui, bien sûr. Et là dedans, ils avaient lancé en fait. Donc c'était pas la phase B, c'était la phase A avec les 3 titres et il était dedans. D'accord, voilà. Quand vous ne savez pas, vous me demandez, mais pas tout. Hein. Ça, c'est bien. C'est ce qu'ils appelaient les EP en fait. C'est les EP. Voilà, absolument. Ok. Et bah allons-y. Ouais, bon, on va se retrouver tout de suite après ça. Allez, c'est parti. Thank you. Un seul cœur, un seul rêve, un seul feu. Nous deux, nous deux. Toi et moi, près du même feu. Je me sens si bien quand je suis avec toi. Que jamais je ne te laisserai. Et je voudrais te dire, je t'aime. Ce soleil dans tes yeux est à moi. Sur 60 à l'heure. Jesse Garonne, en fait. Sur 69 à l'heure, là. C'est pas Flipkat, en fait, Jesse Garonne, non. Ah non, ah, mais il avait une coupe. Bah, il avait la même coupe, hein, Jesse Garonne. Si, ouais, si, si. Loin, ouais, ouais, ouais, ouais. Si. Par que lui était vraiment coiffé, quoi. Et Jesse Garonne, non, je déconnais avec Sherlock hors antenne, mais en fait, nous deux, elle était très, très vendue. Moi, c'est pas ma tasse de thé non plus, mais cette chanson, elle était très vendue. Hein, mais je croyais que c'était Richie, c'est pour ça, moi, je confondais que Richie. Oui, mais on a tendance à. C'est Richie, c'est Poupée Sucrée. Poupée Sucrée, tu sais, sur les bancs de l'école, déjà, je te parlais. Ça te parle pas ? Non, non. Et après, non. C'est j'aime et ma vie commence puisque j'aime pour la première fois. Ça, c'est Richie. Mais moi, je le chante en mieux. Mais. C'est cela, ouais. Je t'emmerde. Et on l'a reconnu, hein. On l'a vachement reconnu. Hein. Ouais, il chante mieux, forcément, il est mort, Richie. Ouais, eh bah, tiens, dites donc, vous connaissez peut-être cette voix ou vous la reconnaissez. Elle date, hein, puisqu'elle était chez nous il y a plus de 2 ans, apparemment. Oui. C'est la voix de Guillaume du groupe Lily Quay. C'est Guillaume ou Guillaume ? C'est Guillaume, mais comme je n'ai pas écrit un mon nom, je mets Guillaume. C'est plus facile et moins d'être comme ça. C'est Guillaume. Non, Guillaume, qui est accompagné donc, de toute la formation de Lily Quay. Ah, et tous les copains de Lily. Qui, voilà, qui là, donc c'est Simon qui est avec nous aussi également, et Tom. Donc Tom, bonsoir Tom. Tom au percu. Au clavier, pardon. Ah, bah non, parce que je te vois avec un xylophone, hein, c'est ça. Avec un xylophone. Ah d'accord. Moi je croyais que c'était un glockenspiel. Eh ben en fait t'as raison, c'est un glockenspiel, exactement. Ouais. Mais beaucoup de gens pensent que c'est un xylophone. D'accord. Ouais. Mais voilà, pour donner un petit cours, tu vois, alors le xylophone c'est en bois, et le glockenspiel voilà. C'est en acier. Ça fait nom de pâtisserie, je trouve, le glockenspiel. Regarde, un glas bœuf en Betteschnell, un glockenspiel avec. Ça fait un peu Apfelstrudel. Ah ben mais ça fait nom de pâtisserie, je trouve. Je te le déconseille de l'avaler, ça va être un petit peu compliqué. Donc alors on revient Tom qui est plutôt au clavier et puis Simon qui est donc à la batterie. Alors oui, à la batterie et au caron, là pour le coup ce sera au caron à la percussion. C'est Jessie Caron. Ouais, c'est la faire celle-là. Si on l'appelait Jessie toute la soirée. On fasse une photo de nous deux. Alors bonne nouvelle Lady Quay, en fait fête ses 10 ans. Exactement. Et on a redécouvert que vous étiez de Waterloo. De notre coin, les copains d'eux. Des Waterlooziens, ouais. Voilà. Ouais. Alors avec un album évidemment qui s'appelle À peine perdu. Exactement. Qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans les bacs, enfin en tout cas on peut le commander sur le net, sur un voilà, dans les bacs en général, dans nos concerts en vente, mais principalement aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement. Ouais. Légal ou illégal? Les deux. D'accord. On met nous-mêmes les illégales, ouais, comme ça on est sûr que ça passe, on touche le plus de monde. Non, mais il y a des artistes, même des artistes reconnus. Enfin, plus que vous, hein, je veux dire. Mais même si vous êtes, même si vous êtes reconnu par ici, à chaque fois que je vais chez ma mère, elle me reconnaît. Ouais, bah déjà c'est un bon point. Ah mon fils. Oh merde, c'est lui. Bon. Moi quand je le croise à Waterloo, je fais semblant de pas le reconnaître. Non, mais il y a des artistes connus mondialement qui eux font ça aussi parce que ils estiment que, enfin, leur musique est. A le droit d'être partagé à tous. Ouais, mais c'est souvent des artistes qui tournent beaucoup. Ils font beaucoup de concerts, tu vois, parce que ouais, bah oui, le gars qui fait pas de concerts, qui fait pas de date publique, qui ont du succès, qui ont un physique. Bah oui, je évidemment. Me pourquoi j'étais pas venu depuis 2 ans en fait. Eux, ils ont une batterie, ils viennent pas avec un caron. Alors 10 ans quand même, ça se fête. Ouais, alors vous allez le fêter comment? Une date bientôt? Alors une date à la boîte à musique. Ah bien. Le 24 février. Ouais, à bientôt. On va faire ça, ouais, là c'est dans 15 jours. Ouais. Donc, gros concert en perspective parce qu'il y aura en plus des surprises sur le concert. On va pas être juste 5, on va avoir des musiciens qui vont venir, il y aura une danseuse, il y aura plein de trucs. Mais voilà. Quand tu dis juste 5, bah vous êtes que 3. Ouais, mais c'est parce que en fait votre studio ils sont trop petits pour venir les autres. Ah, d'accord, donc dans la formation, on nous agresse. On a déjà mis 24 miss dans la. C'est bon, je t'avoue, on était à l'étude. Bon, alors les autres ils font quoi justement? Là on sait pas. Non mais pas là tout de suite, mais dans le groupe ils ont. Alors, quel poste qui est la clarinette et la basse. Ah oui, ce qui est logique bien, d'ailleurs, oui. Clarinette, basse, ça va bah, le faire, c'est, évidemment. C'est vachement compliqué. En même temps. Ouais. Et donc voilà, il y a Virgile et il y a Anto qui est le guitariste soliste du groupe. D'accord, donc ça c'est le 24 février à partir de. On joue à 20h, 20h30. 20h30. Il y a encore des places? Oui, il y a encore des places, une entrée gratuite. Donc, ah bien, et pour réserver, on fait quoi? Office de tourisme, alors, j'imagine. Ouais, office du tourisme à Waterloo ou à la boîte à musique directement sur Waterloo, ou bien vous venez directement. Voilà, faut pas se prendre la tête, on y va vraiment comme des potes, c'est on appelle ça notre boom en fait, tu vois, pour d'accord, sympa, pour les 10 ans. Mignon. Et, ouais, mais on est mignon. Et il y aura des prestagana, il y aura du banga. pour tous ceux qui écoutent RTL, vous aurez les photos tout à l'heure, vous allez comprendre. Qui est pas mignon dans le lot, voilà. On dira pas le cas. La planète des singes 4. Et bien, moi, ce que je vous propose, Lily Quay, c'est ce que je vous propose, c'est de démarrer sur des chapeaux de roue avec un premier tirage au sort, justement, de la session d'Effimix de notre ami Stéphache. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va vous passer ce qu'on appelle le sac à mix et vous allez chacun d'entre vous tirer donc 2 titres. Ok. Il suffira déjà dans un premier temps de nous donner le titre et l'interprète évidemment, mais il faut le chantonner. Ouais. D'accord. Alors, c'est que des titres années 80. Ouais. Et notre ami Stéphache derrière se chargera évidemment donc de les mixer en une seule session. Ah ouais, bah en plus, vous inquiétez pas parce que des fois moi-même je ne me rappelle pas des titres, hein, donc c'est ce qui risque d'arriver ce soir. Et d'ailleurs, parfois, ils mixent les titres, c'est pas cela. Et on s'en rend même pas compte. C'est ça. Parce que nous, on les connaît pas non plus. Voilà. Allez, on va commencer par Tom. Alors, le premier titre, c'est Lily Quay. Ouais. Bon, je fais ma promo. Ouais, et pourquoi pas, tiens. Et bah, vous savez quoi Non, mais challenge. Allez, on glissera un titre Lily Quay dans la prochaine session. Non, t'as pas de lecteur CD. J'ai pas pris de lecteur CD. Il peut pas, y a pas de lecteur CD. Ah, t'as pas de lecteur CD. T'as pas de lecteur CD. Ah, bah oui. Brexit. Bon, ok. Bon, ah, mais t'es de quelle époque ? C'était une bonne idée, mais tant pis. Tant pis, la prochaine fois. Alors, Confettis. Avec C-Day. C-Day. Alors, il faut que tu nous chantes. Oh, oh là. Le deuxième titre. Stéphane, choisis, tu peux nous aider. Je chante pas Confettis, ça se vit. Ah ouais, d'accord, alors okay. Moi, je me souviens de Sound of Sea, Sin China et... Le C-Day, c'est avec le live, avec un... Non, le C-Day, avec c'est avec un rapport... Sexuel non protégé. C'est ça. C'est ça. Heureusement que le micro n'est pas à côté de sa bouche. C'est ça. Mais on l'a entendu quand même. Ouais. On l'a entendu, ta connerie. Alors, et le deuxième ? Le deuxième, c'est Shalamar, A Night to Remember. Ah oui, ça, tu peux le chanter, ça. Non. Bon, Stéphane, s'il te plaît. Get ready. Voilà. Tonight. Bah oui, évidemment. It's a night to remember. Voilà, c'est ça. Hein. Et Canon, vous êtes plus. Hein. Ah ouais, nous êtes plus. Voilà. Alors, attention, on rigolera un peu moins. Là, c'est Guillaume qui va faire le tirage au sort. Deux titres suivants. Je mixe. Voilà. Alors, Paul McCartney et Stevie Wonder. Et Bonnie on Ivory. Ah oui, ça, c'est sympa, ça. Ah, c'est tu peux chanter ça. C'est bien mixé. Ever, est-ce que tu sais? Live together in perfect harmony, side by side on my piano, keyboard, oh Lord, why don't we? We are the world! T'as vu, j'ai réussi à la chanter. Ah, il faut voir Canon qui se bouche l'oreille, c'est comme si. Non, il chante très bien, c'est pas ça, mais comme il y a chaque fois, il fait des cheers. Lui. T'as rien répété, il fait des tierces. Parfois, il fait des quintes de tout aussi. Mais... Ouais, c'est ça. Des quintes de tout. Et donc, le titre suivant ? Alors, j'ai Mylène Farmer, Alan. Là, tu démerdes. Alan ? Alors, je sais pas si c'est Alan ou Alan. Non, c'est Alan. Alan. Alors, c'est quoi, Alan ? Voilà, donc c'est Mylène Farmer, quoi. C'est ouais. Alors, c'est ça, mais c'est... vous connaissez pas ? Non, Mylène Farmer, ça fait... c'est ça, ouais. C'est... C'est ça, voilà. Ça doit être ça, je crois. Ce titre-là. Le titre anal, c'est. Alors, ensuite, on a aussi donc, Simon qui nous a tiré au sort donc deux titres. Alors, moi, c'est Curtis Hairston, I Want Your Loving Just a Little Bit. Et je ne chanterai pas. T'es gentil, tu nous parles autrement. Hein, déjà. Ouais, tu fais pas la little bit. Alors, toi, Steph, tu mets des taquets depuis tout à l'heure. Ça vous parle ? C'est plutôt fun. Ouais, c'est quoi, on va dire ça. Ouais, on va dire ça. Ouais. Je sais pas. C'est du Tony Brahms, c'est son orchestre. C'est ça. Quel talent. Qu'est-ce qui bouge ? Ouais, mais moi je chanterai pas, c'est pour ça que je fais des percus. Je suis dans le fond pour pas avoir à faire ça. C'est ça, Léopold Nord et nous. Et vous ? Et vous ? Et vous ? C'est l'amour. Ah ouais, ça va, oui. L'amour. Bah, bon, c'est déjà un bon programme, ça. Bien galéré. Et ben, ce qu'on va se faire. Ouais. Bon, on va peut-être couper ça parce que. On le coupe au montage, ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va se faire. On va se faire un titre de Lily Quay. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume? Ton choix sur l'album, donc à peine perdu. On est obligé. On nous a dit, on est obligé pour la SACEM et tout. Alors, vas-y. On va écouter Comté Caravane. Allez. Comté Caravane, ok, ça marche. Voilà. En deux mots, hein. En deux mots, alors non, il y en a trois, Comte et Caravane. Donc, ouais, d'accord. Et puis juste derrière un titre années 80, Sherlock. Oui. Alors, bah, vas-y. Non, mais vas-y, on va se faire une roulette. On progresse dans cette Une roulette song. J'aime bien le thème d'essayer d'imiter RTL. Ouais, on y arrive bien. Vas-y, on va faire la valise bientôt. Vas-y. Et Vincent Perrault sort de là. Kylie Minogue, Jason Donovan, Especially for You. Ah ouais. Ça va bien suivre. Pas. C'est dans le même style. Exactement pareil. Ah ouais. Bah voilà, c'est nickel alors. Allez. Notre idole. Allez, c'est parti. Comté Caravane, donc de Lily Quay évidemment, et puis juste derrière. Especially for You de Kylie Minogue et Jason Donovan. Allez, c'est parti. Qu'ils te suivent, les marques rouges sur tes joues montrent déjà ce qu'ils t'ont fait subir. Marche, marche, petite marche. brisement de feuilles tu te caches. Y'a bien trop d'armes dans la forêt pour être en sécurité. Faut attendre et avancer, penser enfin ton panier. Que les caravanes passent. De toute façon, demain elles seront lasses de rester sur place. Les chiens boivent et ils se cassent. Alors attends. Le monde bouge là-dehors. Tu t'es piqué le doigt et tu saignes malgré toi d'un rouge pop leurré que tu t'es pressé d'avaler. Monte, monte, petite monte. Les nuages servent de compte. Mais là-haut c'est pas mieux, les ogres sont dédaigneux. Tu aurais dû rester en bas, attendre avec les trois graines que t'as. Que les caravanes passent. De toute façon demain elles seront lasses de rester sur place. Les chiens voient et ils se cassent. Petite fille, et tu verras bien ce qu'ils te disent. À force de crier au loup, faudra le prouver jusqu'au bout. Comment tu te débrouilleras seul quand ils seront tous dans sa gueule. Pleure, pleure, petite pleure. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. On espère que vous passez une très très bonne soirée. Nous sommes en compagnie du groupe Lili Kwai, que vous avez pu entendre en première intention avec Contes et Caravanes. Contes et Caravanes. Ils vont nous le dire eux-mêmes. Donc ils sont trois aujourd'hui sur une formation de 5 et nous parler plus précisément qu'ils fêtaient leur 10 ans. Leur disant sur Waterloo à la boîte à musique, c'est exactement, bien ça. Exactement. Tu vois, je dénonce février, bien. Le 24 février. Le 24 février, à partir, donc, alors faut faire vite parce que c'est des places, c'est gratuit. Donc, c'est totalement gratuit, ouais. Donc voilà, donc vous pouvez réserver. Ouais, directement, donc, ou à la boîte à musique, ou bien à l'office du tourisme de Waterloo, ou venir directement, voilà, pour boire un coup et écouter de la musique. Voilà, et donc, bah, par contre, faites attention si vous y allez. Ouais, c'est pas 400 places, la boîte à musique. C'est oui. 200-250 et on l'a rempli pour la sortie de l'album il y a 2 ans. Donc voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est si les gens viennent, c'est que voilà quoi, c'est ils vont venir nombreux. On est, ouais. Donc, on voilà. espère. C'est pas le zénith. Non, mais c'est clair. Zénith, voilà. Alors évidemment, vous aurez l'occasion donc de vous procurer, si vous le souhaitez, l'album À peine perdu. Oui, tout à fait. À peine perdu, donc l'album qui a 2 ans, comme tu viens de le dire aussi, justement, et dont le titre vous avez écouté tout à l'heure, on en écoutera d'autres évidemment. Ouais. Contes et Caravanes, qui fait partie donc de ce petit écrin, À peine perdu. Donc vous pourrez retrouver donc à la vente le 24 février. Oui, tout à fait. Ouais, on pourra. Il y a aussi évidemment. Alors, si on veut vous retrouver sur Internet, comment fait-on? Il y a un site. Alors, on a un site Internet, donc avec lilikwai.fr. Ouais, alors, il va falloir que tu l'appelles Lili Kwai. Alors, parce le Lili Kwai, c'est à la française, hein, bizarrement, mais le Lili, donc c'est L-I-L-I, le Lili, et le Kwai, en fait, c'est donc comme Y en anglais, hein, avec mon accent. Ouais. Donc c'est W-H-Y, mais en fait on rajoute le K juste devant. Donc c'est Lili, donc L-I-L-I, et Kwai c'est K-W-H-Y. Alors explication de texte, pourquoi Lili Kwai? Alors pourquoi Lili Kwai? En fait il est tombé endormi sur son clavier et ça a donné On avait hésité à être aussi, mais il t'a dit il n'y a pas l'accent. Mais moi j'avais des potes, hein, qui avaient aussi un groupe, et eux ils s'appelaient les Pjorksi. Ah, c'est drôle. Ah ouais. C'est parce qu'ils s'étaient endormis sur le clavier, en fait ils avaient tapé comme ça, ça avait donné Pjorksi, et après ils ont trouvé ce que ça voulait dire en fait, l'acronyme Pjorksi. Et eux, c'était petits ivrognes originaires de Roubaix qui sucent des igloos. Ça voulait rien dire en fait. Il marche bien ce groupe, non? Non, ça s'est arrêté. Non. C'est étonnant. Les parents de Sherlock, c'est pareil, ils ont tapé un jour comme ça. Il est Alors Lili Kwai, donc tu disais. Ouais. En fait, Lili vient d'un titre qu'on jouait à l'époque. Mm-hmm. Et Kwai venait. Alors, comme tout groupe débutant où tu cherches un nom. Pour pouvoir faire les premiers concerts et choses comme ça, et on trouvait pas, et en fait c'était un soir d'hiver, on se gelait vraiment parce que c'était après notre épée, donc il faisait très froid, et en fait un des anciens musiciens même du groupe, avait très froid, et en fait en se réchauffant il sifflait le pont de la rivière Kwai. Ouais, j'allais poser la question justement si ça avait un rapport avec le pont de la rivière Kwai. Je croyais qu'il avait dit Kwai ici. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Désolé. Sherlock, on va faire comme pour Flipkat la semaine dernière. Si tu nous fais encore de l'humour, tu nous payes une tournée. D'accord? On va être bourrés. On va être tous bourrés. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, ça vient de là. Ah, ok, bah, donc explication de texte sur Lili Kwai. Oui, non, mais vas-y, fais plaisir, lui. Non, mais tu l'entends aussi? Ah, bah ouais. Parce que ça, c'est ma pré-écoute. Ouais, c'est bien. Nous, on s'entend plus. Bon, d'accord. Voilà. Donc, on vous explique, c'est que notre technicien est en train de gérer sa table, mais il n'y arrive pas. Donc, en fait, la pré-écoute, tout le monde l'entend, quoi. Ça sert à rien. Je sais pas si. Mon amour est parti. Je l'ai même entendu à travers ton cas sans en avoir. Mon amour est parti avec le loup dans les rocs. C'est ça. Dans les rues de Rocamadour. Les grottes de Rocamadour. Et alors, c'était au bon tempo ou pas? Oui, oui. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à la première session de notre ami Stéphache, si tu te sens prêt, évidemment. Moi, je suis prêt, c'est Sherlock qui m'inquiète. Ah, c'est clair. Tu veux qu'on fasse un essai, Sherlock? Non, attends. Tu veux que je revienne la semaine prochaine, peut-être? Non, le fil vert sur le bouton vert. Ouais, ça va, ça a l'air d'aller. Get Ready qui va nous annoncer un petit chalamar, je pense. Peut-être. Ouais. Oui. Allez. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get

cherchant sous ta blouse, c'est l'amour. Je prends l'entrée et puis le plat du jour, c'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. Les joies du direct, oui, c'est ça. Avec le groupe Lily Quay qui juste derrière reprennent, enfin en tout cas Simon au percu qui reprend C'est l'amour. Donc c'est au programme ou pas de votre playlist Peut-être, faut venir. Ouais, non, mais... On a dit qu'il y avait des surprises. Alors Lily Quay, on rappelle qu'ils sont avec nous pendant toute la soirée évidemment, pour nous parler donc de leurs 10 ans d'existence et surtout de la belle date du 24 février à la boîte à musique, donc à Waterloo. Ouais. Alors pour les découvrir, vous allez les redécouvrir parce qu'il y aura un petit live là d'ici quelques minutes. Et puis on vous repassera aussi quelques titres de l'album, donc À peine perdu, donc un album que vous pourrez... Oh, j'ai sifflé. Ouais. C'est marrant, ça. Tu vois, voilà. À peine perdu. À peine perdu. Ouais. Voilà. Non, c'est peut-être parce que je pense à une certaine photo de Lily Quay qui nous trouble un peu. D'ailleurs, qu'on peut retrouver sur votre site internet, évidemment. Ouais, sur la page Facebook. Sur Canon. Voilà. Alors, c'était quoi? C'était l'affiche de votre spectacle, de votre concert? C'était l'affiche d'il y a 5 ans, en fait, ouais. Pour la tournée des... de la moitié de notre date. En fait, on avait sorti l'IP et donc on préparait le visuel. Alors donc, franchement, allez le voir parce qu'il est très très beau ce visuel. Ouais. Alors la petite information, il y a tous les gars qui sont assis et il y a une petite nana légèrement dévêtue, enfin pas du tout vêtue d'ailleurs, ouais, c'est ça, même toute nue, qui est allongée sur vous. Ouais. Ça doit être terrible quand même. Et ne serait-ce que la séance photo, ça devait être. Non parce que ça restait. On voit l'image de devant forcément, ouais. Nous on voit le derrière, tu vois, avec toute l'équipe. Elle était vraiment nue ou pas? Elle était nue. Mais c'était très professionnel. Elle avait un peignoir. Elle arrivait, tac, elle se mettait. Il y avait les photos, mais genre on n'était pas que 6, quoi. Tu vois, ouais. Il y avait aussi la lumière derrière. Il y avait les filles qui étaient derrière. Il y avait, c'était assez. Mais non, en fait, bizarrement, c'est voilà, c'est faut pas imaginer ça très. C'est quand même. Tu vois, faut que ça reste professionnel. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est après, et une fois que la photo a été prise, par contre, ils ont tous sauté dessus. Ouais, c'est ça. Non, par contre, pour être honnête, je suis en train de regarder la photo, je comprends pourquoi il y en a un qui s'est mis au xylophone. Après, pour être honnête, on a été un petit peu déçus au niveau de la photo, alors pas du fait du cliché ou quoi que ce soit, mais du rendu qui a été donné, parce que à l'origine nous pour ceux qui peuvent aller voir, hein, c'est une photo qui est assez chaste parce qu'on voit rien. Non, il y a absolument rien, mais les gens ont un peu pris ça dans le principe un petit peu sexiste de justement c'était justement tout le contraire, parce que si on regarde bien la photo, c'est nous l'objet, en fait. Elles s'en foutent, nous on est sur le canapé, on est limite les coussins, mm-hmm. Et elle est allongée en train de, tu vois, avec les fables liées, tu vois, il y a tout un contexte au niveau de l'image, et en fait ça a été mal pris parce que les gens voyait une photo avec une fille nue avec des garçons, ils disaient ah bah, tiens les images des... et voilà, ça a mal été perçu malheureusement. C'est vrai que ça fait un peu penser au resto japonais où les gens mangent des, ça, ouais. Où ouais. Les gens mangent des sushis sur des femmes nues. Ah ouais, ouais. Donc, c'était bon, c'était bon Sherlock. Je sais pas, j'aime pas les sushis, mais j'aime bien les femmes nues par contre. Alors ça... ah ouais, mais alors, bon, donc, voilà. te connaissant, comme t'as un bel appétit, t'as intérêt d'avoir une femme bien ronde, parce que. C'est ça. Alors pour manger les sushis, pas de sushis, hein, si je peux dire. Ouais. Par contre, pour manger le riz cantonais. Ouais, bah ouais, ça c'est Flip 4. Hein. Et quand on est con, c'est pour la vie. Et, bon, là, et ça c'est Sherlock. Voilà. Là, c'est fait. Et bah écoute, Sherlock, il est à presque 21h. C'est l'heure, évidemment, de. Attends. Ah ouais, c'est l'heure de. Il y a quelque chose après. C'est l'heure du lancement. Je vous l'avais dit, en technicien chez Adeco, c'est l'heure de. Pourquoi vous prenez un stagiaire en fait ? Bah, je sais pas. Nombreuses araignées. Montons vite dans la DeLorean et repartons vite vers l'année 1989. Bon, je sais, ça fait un peu Pierre Belmar vers ouais, la fin. Ouais. Puis là, ça fait un peu peur aussi. Hein. Ah ouais, ouais c'est... Mais c'est parce que je m'entends pas en fait. Non, t'as bien entendu. Non, t'as bien entendu. Ouais. D'accord. Donc voilà. Oui, effectivement. Donc je vais redire, comme chaque semaine, en quoi consiste la chronique Ciné Rétro 80. Cette semaine, j'ai regardé un film des années 80 que j'avais vu ou pas. Là, en l'occurrence, je l'avais pas vu. Et je vais essayer de vous le faire deviner ce soir. Alors, soit avec des musiques tirées du film, soit avec des extraits de dialogue. Alors, je vais vous donner. Cachez également... votre enthousiasme. Hein. Non, non. Je vais également vous faire. Vous donner quelques indices. Et je vais d'abord commencer par vous donner la date de sortie du film, qui est le 23 août 89. Il faudrait rappeler également qu'il ne faut surtout pas donner le titre. Ah oui. Ouais, alors si vous trouvez le titre du film, ne le donnez pas tout de suite, mais essayez par contre de mettre vos petits copains sur la voie en donnant aussi des petits indices. Non, peut-être pas le titre tout de suite, mais des indices. Alors, donc il est sorti le 23 août 1989. Il a fait quand même 1 234 950 entrées au box-office français. Pas mal, hein. Ah ouais. C'est déjà pas mal. Et a eu une nomination, a eu plusieurs nominations pour le pire film, le pire acteur et le pire second rôle masculin. D'accord, mais pas aux Oscars alors du coup. Non, aux Reddy Awards. D'accord. Donc, Je sais ce que c'est. Ah. Mais je vais pas le dire parce que je vais pas le dire. Non, d'accord. Tu peux donner un indice. En fait, c'est du bluff, hein, je sais pas. Juste pour... D'accord. Alors, je vais donner quelques noms d'acteurs. Il y a Danny Trejo. Est-ce que vous vous souvenez Non. Non. Danny Trejo, c'est... Old El Paso. Old El Paso. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais, vous voyez qui Old El Paso. Ah. Mm-hmm. William Allen Young, pardon. Darlan Flugel, Frank McRae, Tom Sizemore, Sonny Landham. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Ouais. Je ne vais pas vous donner les plus connus. Et je vais vous passer par contre une piste donc, tirée du film. C'est celle-ci, écoutez bien. Putain d'oiseaux, ces putains d'oiseaux mangent pas quand il pleut. Ouais, ils vont revenir. Hey, tu garderas ton pain pour moi demain ? Ouais, d'accord. Tu mets ça sur ta liste, tu veux ? Ouais. Merci. Pourquoi tu racontes toutes ces conneries ? C'est une perte de temps, tout ça. Tu vois, pour toi, c'est une perte de temps, mais pour lui, c'est tout ce qu'il a. Et c'est plus que ce que tu as. Ici, ce qu'il faut, c'est respecter quelque chose. Parce que t'as pas beaucoup, et ce que t'as, il faut le protéger. Tu sais ça ? Non, il sait rien du tout. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Bien sûr. Oui. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec la guerre du Vietnam ? Non, pas du tout. Non, c'est pas celui-là. Non. Ah, non. C'est dans une prison. Oui, c'est dans une prison. Oui, hein. Oui. Ils sont deux. Deux comédiens. Ils sont plus dans la prison. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais... Deux acteurs... Est-ce que c'est un rapport avec Giorgio ? Giorgio ? Moroder ? Non. Alors, voilà. Pas Giorgio Moroder, non. C'est basé sur une injustice terrible pour un détenu. Oui. D'accord. Ouais. Mais je pense que l'acteur qui joue dedans a joué dans deux films en prison. Absolument. Et un avec quelqu'un de très connu un autre film où il était tout seul. Non, moins connu. Et je pense que ça doit être celui-là. C'est pas celui où avec. Il a même joué dans trois films avec prison. En prison ouais. Oui, enfin, il y en a un très récent. Oui. Voilà. Ouais. D'accord. C'est ça. Donc, Canon est sur la bonne voie, effectivement. Alors, Guillaume qui a trouvé. En parlant de voix, je vais vous passer une musique du film. C'est celle-ci. Ah. don't you hop inside my car? I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. Alors moi j'ai un indice. Oui. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Et ouais, parce qu'à un moment l'acteur principal on lui demande son identité et oui, répond exact, Marilyn Monroe. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et il se fait un peu malmené. Un peu chahuté, ouais. C'est un ça. Peu chahuté. Et puis bah, je pense que Guillaume, vous avez trouvé, enfin Lily Quay. Ouais. En fait, on voit le film et on a un peu mal à. Des indices, hein, dans les, ce que, des indices. Ce que je vais faire, c'est que je me rappelle sur ce film. Je vais vous film. Passer un autre extrait du film. C'est également un extrait de dialogue. Écoutez bien celui-ci. Je connais ce visage et je sais comment il s'appelle. Salut Franck. Ouais, je m'appelle Dallas. J'étais à Train de Mort en même temps que toi, juste avant que tu te fasses la malle. Ah ouais, t'étais au bloc A, non? Ouais, ouais, c'est bien ça. J'étais au bloc A. Sacrée mémoire, hein. Train de Mort n'a pas de bloc A. Attention des pieds. Ah, d'accord. Et puis écoute. J'y étais qu'en transfert, tu piges? Mmh. En transfert, moins de 2 heures, mais j'ai tout appuyé sur toi, mon vieux. Tu as devant toi ton biographe maison et ton plus grand fan. TDS. TDS. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous des salopards. Faut faire confiance à personne. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est pas sa voix. Non, c'est pas sa voix. Ah ouais, c'est ça. Hein. Non, justement, elle ressemble beaucoup, mais ouais, c'est pas sa voix d'acteur. Mais tu pourrais imiter un animateur en prenant le micro, ça serait bien. Bah oui, je sais bien, mais c'est compliqué. On pourrait demander est-ce qu'on ait plus de micro quand même. Hein, alors, je vais vous passer un troisième extrait de dialogue. Ouais. Et ensuite, on pourra dire le titre et je passerai le. La musique du film. Alors, est-ce que c'est Conti Oui, bah c'est oui, Bill Conti qui fait la musique, effectivement. Ouais. Et le film, c'est John Flynn, d'accord, qui était aux manettes. Alors, une chose qu'on dit pas souvent, c'est qu'on a une page sur 80 à l'heure, et si vous voulez vous manifester, n'hésitez pas. Si vous pensez avoir des indices, n'hésitez pas à nous écrire ou poser des questions à Sherlock, qui vous répondra ou pas. Mais au moins, écrivez, pour qu'il y ait l'impression que vous écoutez sa chronique. Moi, j'ai une question, là. De Gustave D., en demandant si l'humour de Sherlock avait évolué en 2017. Est-ce que c'est posté d'Aluin? Oui, c'est ça, absolument, d'Aluin. Gustave D. de Aluin qui dit est-ce que son humour s'est amélioré en 2017? Je ne pense pas, non. Alors, bon, il faut savoir que la musique qu'on a entendue juste avant, c'était The Ides of March avec le titre Vehicle. Donc, alors, c'est marrant parce que ça ressemble vachement à une autre musique très connue du même acteur dans un autre film très connu aussi. C'est vrai. Ça ressemble quand même, honnêtement. Ouais. Honnête. Mais je pense que tu dis prends des gants quand tu donnes des indices. Pourquoi? Bah, ouais, ah c'est oui, vrai. Pas mal. Ah oui. Ouais. Prends des gants quand. Très très bien. Ah, ouais. Ouais, c'est très bon. Bien. Mais je. C'est Tom. Je crois qu'il va pouvoir nous remplacer au van. C'est pas mal. Alors, je vais vous faire écouter un dernier extrait sonore et ensuite on reviendra pour dire le titre. Il essaie de me faire prendre les responsabilités de sa tentative d'évasion, comme l'autre fois. Je veux des aveux. Vous m'avez piégé. C'était un coup monté. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je veux parler de Chink Webber. De son gang. De ce flic qui devait violer Melissa. Et de Dallas. Et de l'assassinat du petit. Coupable de toutes ces charges. Prouve-le. Prouve-le, Franck. C'est ton problème. Tu ne peux pas prouver quoi que ce soit. J'ai rien à prouver, moi. Je suis venu pour une exécution. Mais j'exige que tu me libères. Un point, c'est tout. Non. Non. Ne fais pas ça. Ne t'énerve pas. Tu le mérites. Tu vas payer. Alors. Donald Sutherland. Ouais, on a un autre indice de la part de Tom qui nous parle de Donald Sutherland. Oui, exact. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Donc Donald Sutherland, c'est celui qu'on entendait, effectivement, qui ne voulait pas avouer. Il y a également John Amos qui joue dedans. Alors bon, je crois que vous avez tous trouvé le titre, qui est... Guillaume. Maintenant, vous pouvez le dire. Allez, Lily Quay. Tu peux le dire. Allez, tu peux. Haute sécurité. Ouais. Bien, bravo, ouais, c'est haute sécurité. Et la musique de fin du film, c'est celle-ci. What brought me here, as if somebody laid my hand. It seems I've hardly had to steer, my course was planned. And destiny it guides us all, and by its hand we rise and fall. Only for a moment, time enough to catch our breath again. Alors, Donc le titre, c'est donc Ever Since the World Began, et c'est de Jimmy Jamison. D'accord, et apparemment, donc tu disais, c'est donc, le leader Jimmy du Survivor. Alors, Jimmy Jamison, c'est... Dans Survivor, il y a eu deux chanteurs. Un qui a dû s'arrêter entre, je pense, Rocky 2 et Rocky 3, parce qu'il avait des problèmes aux cordes vocales. Et il s'est fait remplacer par Jimmy Jamison. Donc ils reprennent, j'ai même trouvé une version de ce titre chantée par l'autre chanteur de Survivor. D'accord. Okay. Qui date en fait de 82, mais celle-ci est sortie par Jimmy Jamison en 89. Donc, et les deux chantent les titres de Survivor. D'accord. Et comme par hasard, le point commun c'est Bill Conti, quoi, qui a fait de la musique aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Vous l'avez vu, Lily Quay. Donc oui. L'acteur principal, oui, c'est donc Sylvester Stallone. Ah ben, oui, ouais. Est-ce que vous avez vu Haute Sécurité? Haute Alors, Sécurité, oui, oui. Ouais, d'accord. Donc, Haute Sécurité, le pitch fout, du film, raconte, c'était... En fait. C'est dingue. Non, Haute Sécurité. Oui, tu t'en fous. Non, je t'en fous. J'ai très bien entendu que tu avais regardé le film. Donc, si tu veux, tu pourras le re-regarder à partir de demain. Donc, c'est l'histoire de Frank Leone, détenu modèle, qui a bientôt terminé son temps d'incarcération, mais peu de temps avant sa sortie, Frank est transféré en pleine nuit dans une prison de très haute sécurité, sans raison apparente. À son arrivée, il est accueilli par le directeur de la prison qui n'est autre que Drumgoole, l'ancien directeur de la précédente prison d'où Frank s'était échappé pour aller voir son père adoptif mourant. Drumgoole, empli de haine et de vengeance, est bien décidé à faire payer à Frank son affront et à le pousser à bout. Pour qu'il reste là à perpète, quoi, en fait. Donc voilà. Voilà un peu le pitch du film sur quoi on commence. Alors, est-ce que... ouais, mais toi, non, mais si. Mais je sais que t'es fan de Stallone. Ah ouais, non. Sauf erreur, il va dans une prison et on l'enlève pour aller le ramener dans cette prison-là. Non. Justement, oui. Il y a deux films qui se ressemblent. Si. Au départ, Stallone est mis dans une prison tout à fait normale. Oui, mais il finit sa peine fait... comme les filles, oui. Sherlock. Et en fait, il y en a un qui ouais, se retrouve en pleine oui, nuit. Oui, mais il se retrouve en pleine nuit. Donc, il l'enlève, en fait, parce qu'il a été détourné de prison. C'est ça. Oui, bah donc, je sais pas de connerie, mais... Et alors, vous me parliez de d'autres films aussi où il était incarcéré, c'est lesquels? Oui, bah il y a Tango et Cash. Oui. Où à un moment il est incarcéré avec, alors je sais plus si c'est Tango ou Cash. Kurt Russell. Ouais, Kurt Russell. Oui. Et dernièrement, il y a eu un film avec Schwarzenegger. Où là c'était une prison dans un bateau ou un sous-marin, je crois, un truc comme ça. Bah, après on peut parler de Rambo. Alors du coup il y a ça aussi. Ouais. Moment, il est emprisonné. Ouais, ah oui, non, mais là c'est vraiment, ça tourne autour d'une prison, c'est, je sais plus, qui est pas mal avec Schwarzenegger. Moi j'ai bien aimé les retrouver tous je les deux. Je crois que c'est Évasion le nom du film. C'est ça. C'est Évasion, ouais. Ah, d'accord. J'ai bien aimé. Je me dis, ça va être le truc à pompe à fric, on va se pointer avec deux acteurs has-been qui ont plus rien du tout, et j'ai adoré. Ouais, moi. C'était sympa, j'ai bien aimé. Et Schwarzy, je trouve que là-dedans, il a compris qu'il avait vieilli et joue le papy. C'était un super film, franchement. Ça me rappelle rien du tout, mais récent, plus récent. Ah oui, c'est plus récent, il y a 3 ans, 2 ans. Ouais, 2 ans, je dirais à peu près. Ouais. Alors, donc, on peut noter dans le film une petite apparition donc, de Danny Trejo, donc de la pub Old El Paso, ouais. Où on l'avait également vu dans les Walker Texas Ranger avec Chuck Norris, où il jouait un ancien drogué repenti. Il joue dans Breaking Bad aussi, ouais, également. Ouais. Super rôle. Et donc, c'était l'un de ses tout premiers rôles, et donc il interprète ici l'un des membres du gang de Chink. Ouais. Alors, comme tu le disais, Harry, depuis Rocky en 75, c'est la première fois qu'Alain Dorval ne fait pas la voix de Stallone. Ah, ouais, et là, ce fut Michel Vignier qui se charge de ce dernier. Qui est la voix de Patrick Swayze. Voilà. Ouais. Alors, à la base, le rôle du directeur ne devait pas être interprété par Donald Sutherland, mais avait été pensé au départ pour Gene Hackman. Ah ouais, ouais, pourquoi pas. Je l'aurais moins vu, par contre, dans ce rôle-là. Je trouve que niveau gueule, il a moins le physique pour ça. Peut-être. Je trouve trop gentil. Après, on dit souvent ça quand t'as l'habitude de voir un acteur, tu dis je peux pas voir autre. Ouais, bah oui, non, c'est une autre personne, tiens. Putain, si ça avait été à Gene Hackman et qu'on avait dit c'était Donald Sutherland, on aurait dit j'aurais peut-être pas vu Donald Sutherland. C'est vrai. Ouais. C'est toujours un peu délicat. J'aurais vu Sherlock. Et donc, le scénario de ce film est inspiré de l'histoire vraie de Frank Leone. Mais la vraie personne est morte avec le directeur dans la prise d'otage lors de l'évasion, contrairement au happy end du film. Ah ouais, non, c'est moins triste. Donc, c'est moins joyeux. Ouais. Plus triste, c'est moins triste. Plus triste. C'est plus triste. Ouais, c'est plus triste, ouais. Voilà ce que j'ai pu trouver un petit peu sur le film. Eh bien, écoute, merci pour cette rétrospective donc, de Haute Sécurité avec Stallone. Donc, si vous avez envie de le voir, donc à partir de demain, donc sur la page Sherlock ou sur la page 80 à l'heure, je mettrai un petit commentaire et vous pourrez aller voir de vous-même. Eh bien, écoute, c'est noté. Cool. Alors, moi, ce que je propose, avant d'être gratifié d'un petit live par Lily Kwai, qui est avec nous ce soir, hein, je vous le rappelle, pour nous parler donc de leurs 10 ans, 10 ans d'existence, mais surtout de la date du 24 février, donc à la boîte à musique à Waterloo. Exactement. On va faire le tirage au sort de la prochaine session du Défi Mix 80. Comme ça, au moins, ça se sera fait. Et on va demander, comme tout à l'heure, à Guillaume, Tom et Simon, donc de tirer au sort. Voilà. Allez, tirer au on sort. Mélange tout bien. J'avais dit dire de... Voilà. Tu peux peut-être nous rappeler le principe, Stéphane, pour les gens qui viennent de reprendre l'émission. Eh bien, le principe, c'est que nos amis ici présents vont tirer 6 titres années 80. C'est années 80 hein, ce soir. Et objectif pour moi de mixer ces 6 titres sur une session d'une quinzaine de minutes, sachant que c'est tout style confondu, comme on a pu le découvrir sur la première session, bien qu'on n'a pas eu trop de mauvaises surprises, mais ça va peut-être arriver. Là. Ça va arriver. Je rassure. Mais vu ce qu'on tire là. D'autant plus que j'ai l'impression qu'il triche un peu. Donc voilà. Non, mais... Allez, on va commencer par Tom. Tom, les deux titres que tu as sortis. Ils sont pas bien. Non, mais les miens sont mieux. Pacifique, quand tu serres mon corps. Ah oui. Ah ouais, évidemment. Quand tu serres. Alors, après, Laura Branigan, Self Control. Ouais. Alors, ouais. Tu peux nous chanter Pacifique quand tu serres mon corps. Pas du tout. D'accord. Quand Stéphane. Tu serres mon corps, tout contre ton corps, ouais. Comme un volcan qui dort. Merci. J'adorais. Après, ça monte, ça. Ouais. Je suis femme. Alors, attends, par contre, il nous faut que deux titres. Hop là. Donc, ouais. Laura Branigan avec Self Control. Voilà, il faut que tu le chantes. Ah ben, pas facile, hein. Voilà, ça, c'est pas évident. Hein. Non, c'est à toi de chanter. Là. Alors, j'ai un titre d'ailleurs qui a été interprété aussi par un chanteur. Il y en a eu deux. Ouais. Il y en a eu deux. Lui, dans les mêmes années d'ailleurs. Ouais, Self Control a été chanté deux fois. Dans la même période d'ailleurs. Hein. C'était Laura Branigan et je ne sais plus. Coxo, non pas Coxo. Casino peut-être. Non, je ne sais plus. Casino. Raph, voilà, absolument. Raph et Laura Branigan. Mais là, ce sera la version de Laura Branigan. C'est le contrôle, attends, ça faisait quoi ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, vas-y, Guillaume. Moi, je suis abonné à Paul McCartney, parce que ça va être Paul McCartney et Michael Jackson. Say. Ah, bah ça, tu peux nous chanter. Say. D'accord, ouais. Y'a de ça. Alors, et le suivant? Et le suivant, c'est un morceau de Candy au pays de Candy. Non, tu déconnes ou quoi? Ah ouais, c'est bon ça. Mais qui l'interprète alors? C'est tout seul, hein, au bout du 50. Là, j'ai peut-être pas d'interprète. Il n'y a pas d'interprète. Hein. Non, c'est marqué Candy. Bon, ça m'étonnerait que ce soit Candy qui chante. Ah, bah, il y a marqué Candy. Ouais, d'accord, je sais bien, mais bon. Et elle rêve, elle imagine tous les soirs en s'endormant que le petit prince des collines vient la prendre doucement. Ouais, ah non, s'il te plaît, Canon. S'il te plaît. C'était ça? S'il te plaît. Simon. Alors, moi, j'ai téléphone New York avec toi. Ouais. Et pour rester dans les chansons enfantines, Chantal Goya, Pandi Panda. Ah, oh, mais ça, génial. Il y a de la tricherie derrière tout ça. Pandi Panda. Bon, eh bien, pendant que Stéphane se prépare pour les titres donc de la deuxième session donc du Défi Mix 80, eh bien, on va avoir le plaisir de découvrir Lily Kwai en live. Donc un live, donc un titre qu'on peut retrouver sur l'album. Exactement, alors, petite session d'accordage, hein, je suis désolé. Oui, donc le morceau qu'on va jouer là, c'est un morceau qu'on peut retrouver sur notre album qui s'appelle Lou. C'est un morceau, un clip est sorti de ce titre qui est sorti pour lutter contre la violence faite aux femmes en fait. D'accord. Voilà, donc vous pouvez aller voir le clip qui est sur notre page internet. Ou sur la page Facebook ou sur YouTube. En tapant Lily Kwai, on exactement, retrouve. Avec le titre Lou. Eh bien, on va découvrir ça, Lou. Donc, avec trois du groupe Lily Kwai. Donc, avec, je vous rappelle, donc, Auxilophone, notre ami Tom. Alors, ah oui, c'est le ukulélé, c'est un ukulélé ou pas? Ouais, c'est ça, c'est un ukulélé. Ukulélé, donc Guillaume, ukulélé et à la voix. Et puis, au percu, bah, ce sera Simon. Donc, voilà, vous allez découvrir Lou en live dans les studios de RQC dans l'émission 80 à l'heure. Serait assez belle. Mieux quelques décis, je mettrai plus que Paris en bouteille. Ne te signe épais, s'en va, me rend son ivresse bien fade quand tu n'es plus là. Alors pourquoi je n'existe pas entre tes bras? Trois petits tours et tu me tentas. J'étais trop proche de tes pas, à pas de loup. Un coup de maillotche sur ta caboche, loup, a suffi pour te croquer un petit bout. Aucune seconde ne s'égrène sans quoi. D'amour, d'où tu t'es-tu? T'es-tu comme tu es? Tu t'es tué pour m'embêter sous mes côtes. Un petit trou et tu t'en vas. C'est facile pour toi, c'est moi qui reste encore cette fois. À qui la faute? Fallait m'aimer quand je te l'ai demandé. À qui la faute? Fallait m'aimer quand je l'ai demandé. Quoi, alors Lou qu'on peut retrouver sur l'album À peine perdu. Alors ça c'est sur pour la version studio, puisque là vous les avez entendus en live. Vous pouvez les retrouver en live le 24 février à la boîte à musique de Waterloo, donc à 20h. Pour les résas, eh ben, évidemment c'est l'office de tourisme et c'est aussi la boîte à musique. Vous pouvez y aller directement direct. Le soir même. Direct. Risque, c'est que bah, vous n'ayez pas beaucoup de place ou être bien placé. Donc présentez-vous certainement un peu avant, je pense. Oui. Et puis alors la cerise sur le gâteau, c'est que c'est gratos. Alors, vous gênez pas. Alors petite question quand même, parce que là c'est vrai que alors Lou, belle chanson. Tu nous expliquais un peu les inspirations, voilà pour les femmes battues. Qui écrit déjà les chansons? Je compose les textes. D'accord. Voilà. Ok. Donc, la musique. Alors en fait, on travaille vraiment au niveau du groupe pour la musique. Il y a une base d'un riff parce que pour une histoire d'écriture, pour pouvoir poser les mots. Et en fait, dès qu'on arrive en répète, je laisse libre à tout le monde de faire la compo, justement pour que tout le monde rajoute sa patte en fait au niveau du morceau. Donc, mais après ça suit. Tu vois, l'histoire, la chanson, on a toujours un peu cette tendance à pouvoir écrire des choses tristes avec des mélodies assez joyeuses, oui. Et l'inverse. Tu vois, on aime bien justement on trouve ça beaucoup plus explicite de faire ressentir peut-être une douleur avec quelque chose de plus musical et l'inverse. Tu vois, donc ce serait tellement facile d'écrire une chanson triste sur une mélodie dite triste, tu vois. Ouais. Mais après, effectivement, on en connaît quand même quelques-uns qui le font. Oui. Je pense à Tivoti, par exemple. Non, qui le font aussi bien, voire peut-être. Donc, ils le font si bien. Mais voilà. Je pense à Tivoti au passage avec SDF, hein, où la musique est assez tigane, assez entraînante, alors que c'est aussi des paroles assez graves. Donc voilà. Mais tous les titres aujourd'hui, donc c'est toi qui les écris ou tu fais accompagner parfois? On travaille aussi avec Tom au niveau du, des textes pour travailler. On travaille ensemble ouais, au niveau des textes. D'accord, de toute façon, après, on a toujours, même si je rajoute les textes, il y a toujours les copains qui, après, qui me disent ah bah tiens, ça serait peut-être le mieux comme ça. Tu vois, on est vraiment un potentiel. On est un groupe. Voilà. D'accord. On n'est pas un artiste avec, qui accompagne des musiciens. On est un groupe. Donc, un travail collégial. On travaille, voilà. Et on le voit bizarrement quand on a changé un peu de line-up avec au début, donc le line-up, les musiciens du groupe. On a changé de musicien et on voit qu'il y a une évolution en fait musicale et quand on écrit ben ça se ressent aussi. Puis ce qui est intéressant c'est qu'au niveau du groupe en fait on a tous des influences un petit peu différentes. Il y en a qui vont venir plutôt du pop rock, d'autres du chant français, d'autres un petit peu plus classique et d'autres qui vont venir un petit peu du métal. Donc ce qui permet un melting pot assez intéressant quand même et on se restreint pas vraiment au niveau du style. On va pas dire maintenant ça fait trop ci, ça fait trop ça. On fait vraiment la musique qui nous plaît et c'est ce qui est vraiment intéressant dans Lily. Et que du francophone alors? Que du chant français par contre. C'est la seule, pas barrière, mais c'est la seule ligne directrice vraiment qu'on peut avoir sur le groupe Lily, c'est que c'est du chant français. Après, d'accord. On ne se l'oblige pas, on se l'oblige pas. Faire en français. Ouais. Voilà. On fait ça. Parce qu'on a envie de chanter dans notre langue en fait. Mais défendez la langue française. On essaye. Et c'est pas parce que vous êtes nul en anglais par contre. Aussi. Je voulais savoir des trois, puisque tu le disais à l'instant, qui a des influences métal en fait? Alors, plutôt Anto, le guitariste soliste qui n'est pas là ce soir, et moi. D'accord. Plutôt des influences hard rock, metal. Sans, voilà, on écoute aussi rock français, on écoute un petit peu tout, mais c'est vrai que nos influx, c'est plutôt ça, quoi. Ok. Donc c'est le groupe Lily Quay que vous allez continuer à découvrir hein, puisqu'ils sont avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une coupure musicale et pas n'importe lesquelles puisque ça va être la deuxième session de notre ami Stéphache. Qui n'est pas prêt. Hein, pardon, je crois qu'il était... Parce que j'ai profité du live. Hein, Ah bah oui, mais attends, tout à l'heure je l'ai dit, ouais pendant le... Voilà, tu c'est vrai. On va profiter que Stéphache se prépare pour... Donc t'es pas prêt, tu veux une petite coupure musicale avant? Ouais, eh ben on va demander à Lily Quay de nous filer un petit titre de leur album, À peine perdu. Qu'est-ce que vous nous conseillez alors? Vous nous parliez d'un flux rock. Est-ce qu'il y a un titre justement qui... Pero quiero que toda vida sangres. Je crois que c'était assez rock ça. Hein. Non, c'est assez... c'est très... C'est flamenco. Très, voilà, flamenco, c'est un petit peu rythmé. Dessus. Non, tu peux mettre Il ou Les Oubliés, si tu veux. Je te laisse choisir. Bon, on va mettre les Oubliés, parce qu'il y a oublié de bosser. Reste pas, je un signe. Et si je peux récupérer des titres, il m'en manque un. C'est Candy. Ça marche. Et surtout, tu ne les oublies pas. On met qu'un seul titre. Oui, on met qu'un seul titre, comme ça, le temps que Stéphache se prépare. Et puis, ok, ça marche. Et allez, on enchaîne avec le défi mix de Stéphache. C'est parti. Trates ne se lisent même pas. La grève me dépasse parfois. Comment jurer une fois et... Je n'abandonne, j'ambitionne, je me cantonne juste à ramener liberté, avantage limité, ça m'entraîne à me conforter à ce poste gratifié, ça m'encourage à ne plus chercher, plus d'illusions à proposer. Ah, ah. Je me fous bien de vous défendre. Bloquer pour se faire entendre. Retenez-vous pour l'après. N'oubliez les oubliés des... des... tic-tac arrive le soir, chaque match se jouera tard. Tout le monde s'entraide, tout le monde se saigne, si c'est la vie qu'elle nous y aide. Qu'elle nous y aide. Qu'elle nous y aide. Monotonie surannée, susciter l'adversité. Je double face, je double jeu. Chercher notre acte, frapper les cieux. Frapper les cieux. Rien n'arrête à ma volonté. L'oublier, les oublier des si ma mère de subsister. Se sentir vivre ou s'amuser. Zero Ignition, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC. Ouais, c'est 90. Ça. Pourquoi 5. Tu dis, ah non, pourquoi, non, c'était pour savoir si vous étiez avec moi. Ignition, ça vient de où ça, ce mot Ignition, c'est quand tu allumes les moteurs. En fait. Ah, 3, 2, 1, 0, Ignition. Ah, ok. Ignition ou ah, non, ça c'était autre chose. Bon, ceci dit, vous venez d'écouter donc un titre de Lily Quay qui est donc Il. Non, les oubliés. Les oubliés. Les oubliés. Voilà, les oubliés en référence à Stéphane. Ah, bah oui. Bah qui avait oublié de bosser. Plus péchu et bien soutenu, c'est bien, les gars. Ouais. Donc, avec la petite référence rock, là, on la ressent bien quand même. Ouais. Puis elle ressent bien, là, hein, ma référence rock. Oui, oui. Voilà. Justement, à ce propos, j'ai une auditrice qui demandait, enfin, une charmante auditrice qui demandait s'il n'y avait pas des influences là derrière. Noir Désir. Ah, bien sûr que oui. Ah, bah voilà. Des influences quoi ? Noir Désir. Ouais. Ah oui, il y en a un petit peu, ouais. C'est eux qui ont copié. Comment on sait qu'elle est charmante ? Comment on sait qu'elle est charmante, l'auditrice ? Hein ? Hein ? Ah ouais, ça par contre, on va voir, on va vérifier. On va continuer, on va faire la coupure musicale, la deuxième session de notre habilité fâche, avant de retrouver donc Flipkat et Chronique sur, et bien sûr, le groupe Blondie. Ouais. C'est juste après ça, Stéphane. On est parti. Ready ? Allez, go. Ready? Ignition. Comme un vol candidat, se révèle. myself believe it. This night will never go. Que la vie va en toi, et tu m'emmèneras un jour, mais moi. lâche. Pour tes yeux tu fis battre mon cœur. Ton regard fut si merveilleux que j'en pleurais de bonheur. Tous mes amis, mes parents t'ont aimé. Tout de suite ils ont voulu t'adopter. Avec ton petit museau charmant, ton costume noir et blanc, tu as fait rire toute la maison. Et tu bois du lait comme les enfants. Loin de ta maman, loin de ta forêt, tu pleures parfois mes pandis. Tu sais que des chasseurs voulaient ta peau pour en faire un manteau. Mais aujourd'hui tu es sauvé. Ensemble on va te garder. Pandis, panda, fini en apothéose, on a vu Stéphane. Merci. Ah bah bravo, mais ça c'est de la faute à Lily Quire. En plus, je le dirai pas, mais ils ont triché quand même. Ils ont triché. Alors, je sais pas comment vous avez trouvé cette session. Comme ça, par hasard, dans une playlist. Ah, bravo, bravo, bravo. Non mais en tout cas, bravo à Stéphane, parce que c'est pas évident. C'est tout de même pas évident. Je rappelle que le tirage au sort, nous, on n'est pas responsable, hein, puisque c'est Lily Quai qui l'a fait. Ils ont même choisi, hein, j'ai vu. Ils ont choisi Pandi Panda, ils ont choisi. Alors, c'était quoi le Candy aussi. Hein? Oui, Candy, ouais. Ah, bah ouais, alors j'ai reçu un message aussi d'une auditrice, hein, qui me disait à passer de Candy à New York avec toi. C'est quand même assez chaud. Alors, je vous rappelle quand même que Stéphane, vous pouvez le retrouver. Alors, il fait pas la même chose. Ou c'est pas, quand même, non, pas du tout. Mais vous pouvez le retrouver. Mais tu devrais. Voilà. Je le pense que tu devrais. Alors, on peut te retrouver au lâcher prise, c'est ça, hein, tous les jeudis soirs. Le lâcher prise tous les jeudis soirs dans un exercice vraiment différent de ce que je fais ici, puisque là on est dans un concept apéro mix, donc c'est des sons électro, deep house, et c'est à partir de 19h, et plus on monte vers la fin de soirée et plus le BPM s'accélère, il y a des morceaux plus festifs et puis ça bouge un peu. BPM, beat par minute. Beat par minute, et donc le lâcher prise en fait, donc c'est dans le vieux Lille. Il y a beaucoup d'hommes en fait, c'est ça. Patrick et Maurice, c'est dans le vieux Lille, donc place Saint-André. D'accord. Et donc, rendez-vous hebdomadaire, hein, désormais, hein, tous les jeudis, 19h minuit. Pour un apéro. Je salue Christ Fantôme, hein, le résident, et puis le propriétaire du lâcher prise, hein, surtout. Et donc, rendez-vous ce jeudi, hein, pour la prochaine session. Et ça promet, je pense. Et on attend du monde. On attend du monde, parce qu'on a justement une invitée également ce jeudi. Alors là, c'est spécialement pour mesdames, avec Régine Graine de Plaisir. Je vous laisse découvrir l'invitation via la page notamment de 80 à l'heure. Ah oui, mais c'est vrai. Et ouais. Là, je connais. Et je sens que ça va attirer du monde. Ah bah oui, ça va attirer. Voilà, parce que c'est un peu comme du Tupperware, mais c'est pas les mêmes produits. Ah oui, mais non, mais c'est une DJ quand même. Je la connais très bien personnellement. Ah, non, du tout. Ah, c'est pas une DJ du tout. Non, non. Ah bah je croyais. Elle fait quoi alors? Pour montrer des collections particulières pour hommes et femmes qui servent d'objets. Tu me vois, tu commences à me traumatiser. Je peux pas parler de ces choses-là. C'est cela. Enfin, c'est en plastique, en latex aussi. Ah d'accord, mais j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était une DJette. Non. D'accord. Ça va être une soirée certainement très très sympathique. Voilà. Vous allez me dire, c'est pas 80, mais c'est pour vous mettre un peu de son. Typiquement lâcher prise, plutôt ce qui se passe en première partie de soirée, donc des sons plutôt house, deep house, histoire de venir boire un verre tranquillement pour bien démarrer la soirée et puis avant le week-end, hein, surtout. Donc, on est dans ces sonorités-là. Hein. Donc ça donne un avant-goût, évidemment, donc tous les jeudis soirs au lâcher prise, notre ami Stéphache. Vous avez eu aussi un avant-goût de notre groupe invité, Lily Quay, qui est avec nous ce soir. Donc Lily Quay, qu'on redécouvre à travers leur premier album et dernier album, à peine... En date, oui, non, mais bien sûr. Vu l'état du chanteur, c'est leur dernier album, on réquiem, c'est voilà, un album. À peine perdu, donc bien sûr, vous pouvez aussi les retrouver en live, donc le 24 février à la boîte à musique à Waterloo, entrée gratuite, alors vous privez pas surtout, donc le 24 février, boîte à musique à Waterloo, un bon rendez-vous, il y a des surprises, vous êtes 5 sur scène aussi. On a les 5 habitués, donc de Lily Quay, plus une section cuivre qui vient nous accompagner sur le concert. Ah bien. Et d'autres choses derrière. Après. Ah bon, donc c'est prometteur. Ouais. On peut pas avoir un nom sur la section cuivre. Un saxo, un trombone et une trompette. D'accord. Au moins, on le. C'est... Qui vient de pas de Waterloo. Qui il y a une partie de Waterloo. Alors, si, non, parce qu'on a nos antennes. Si je peux me permettre, un saxo, c'est un cuivre. Alors c'est un c'est un bois. C'est un bois. Oui. Eh oui. Ouais. Ah ouais monsieur. Alors attention, attention, on me dit pas de bêtises moi monsieur. Tu sais pourquoi c'est un bois ? Hein ? Tu sais pourquoi c'est un bois le saxophone ? L'embouchure. C'est l'anche en fait. L'anche sur le bec, voilà. Ouais, j'ai découvert pas longtemps, je fais mon malin. Voilà, effectivement, c'est pas un cuivre. Absolument, absolument. Voilà. Alors moi ce que je vous propose, c'est parce que c'est vrai que le temps passe très vite. Attends, je profite aussi de m'auto-promotionner pour le 14 puisque tu allais en parler. Bah oui, j'allais en parler évidemment. Chez moi. Vas-y, parle-en quand non, même. Non, j'ai le plaisir, moi, de chanter au Table de Bruegel le 14. Donc, c'est un repas de Saint-Valentin. C'est 35 euros. Mais bon, ça commence au champagne, au petit four, avec un très, très bon repas. Ça va jusqu'à la coupe colonelle, au trou normand. Avec, c'est vraiment un très, très beau repas. Ça se passe à la bougie, avec serveur, etc. Il y a 145 places et il y en reste à peu près 25. Mais ça va blinder. On s'inquiète pas. Mais si des auditeurs nous écoutent, je vous chante les 50 plus belles chansons internationales d'amour en pendant que vous mangez ou pas, ou vous faites autre chose ou pas. Tu pourrais nous... Est-ce que tu pourrais faire ça pas pendant qu'on mange? La digestion va être difficile. Le nombre de personnes qui se sont reproduites pendant que je chantais. Parce qu'ils se sont dit, il vaut mieux qu'on fasse quelque chose pendant que je chante. Franchement, je vois bien l'image. C'est insupportable. C'est toi. En fait, c'est toi et tu chantes en même temps. Tu vois, en fait, c'est ça le truc. Toi, je te fais, you raise me up. Allez, bon, le temps passe très vite, mais évidemment, 14 février, même si c'est un mardi. Téléphonez pour réserver. C'est mardi, c'est un jour de l'émission, je ne serai pas là mardi prochain, je suis désolé, mais vous ne devriez pas y être non plus, parce que vous devriez être votre Valentine. Ah oui, mais je ne serai pas là non plus. Ah mais tu ne seras pas là non plus, Flip 4 sera avec... Avec Stéphane. Sa première déclaration. Bon, allez, en parlant de Flip 4, évidemment, on va enchaîner sur la chronique, évidemment, donc Rock Legacy, avec ce soir donc un groupe que j'affectionne tout particulièrement, évidemment, c'est le groupe... Blondie. Allez, attends, parce parti. Que j'étais pas prêt. Ouais. Mais non, mais. Il y a du malin ce soir. Hein. Non, mais alors, j'explique aux auditeurs, puisqu'ils sont pas dans le studio avec nous, c'est que d'habitude, quand il y a des coupures musicales comme ça, il y a Harry qui dit bon, alors après, on va faire telle chronique et tout ça. Et moi, comme ça, j'ai le temps de me préparer. Je peux déjà placer un petit peu les titres, mettre un peu les chroniques et tout ça. Et là, il m'a rien dit. Donc après, moi je suis dans le caca. C'est quand même malheureux. Et là il gagne du temps en fait. Mais c'est ça. Mais il fait rien pendant qu'il parle, t'as remarqué. Il se prépare même pas en fait. Il parle et là il dit ouais, alors vous voyez, machin. Donc... tu vois, j'étais en train de le regarder en même temps. Je me disais, est-ce qu'il est en train de préparer pendant qu'il parle? Non. Non. Il raconte sa vie, on est là, on se dit, mais on s'en fout. Vas-y, raconte. Ok. Bon, d'accord. J'avoue, c'est vrai. Allez, c'est parti. Je change un petit peu. Ouais, c'est mieux. Rumors spread around. And that takes its time. But the check outside. Allez, c'est parti. Alors donc comme je vous l'ai annoncé en début de l'émission, je vais vous parler d'une jolie blonde, puisqu'il s'agit de Blondie, de son vrai nom, c'est Debbie Harry, Deborah. Alors, Debbie, elle est d'origine américaine, d'origine anglaise, pardon. Mais c'est un groupe américain qui a été fondé en 1975 à New York, donc avec Debbie Harry, Chris Stein principalement. Alors, Deborah Harry, je vous le donne en mille, vous savez quel âge elle a aujourd'hui? Je sais pas, 70. Ouais, elle a 72 ans. Elle va avoir 72 là en juillet. Ah ouais, quand même. Parce qu'elle tourne encore, non? Oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Bon. Je la voyais plus jeune que ça, tu vois. Elle est plus blonde, hein, elle est blanche maintenant. Elle est un peu ça. Marquée, un c'est peu blanchie. Marquée, blanchie, blanchie, ouais. Blanchie, ouais. Alors maintenant, vous retrouverez Blondie à la semaine bleue. Non, donc voilà. Bon, elle, est, elle fait son âge, mais bon, on voit qu'elle a bien vécu, quoi. Mais ouais, j'imagine. Ouais. Ça en envoyait pas mal dans les narines aussi, et ça se porte sur le visage. Alors, évidemment, le groupe, donc pionnier de la scène pop-punk New Wave américaine dans les années 70, le groupe devient célèbre pour son mélange de styles musicaux intégrant des éléments tels que la disco, le pop, le rap, le reggae aussi, tout en conservant une base New Wave. Alors c'est en 75 que Chris et Debbie, anciennes serveuses, forment un groupe et sont renforcés par le batteur Clem Burke, claviériste Jimmy Destri et le bassiste Gary Valentine. Alors initialement appelé Angel and the Snake, hein, le groupe est renommé Blondie fin 75. Le nom en fait, vous savez pourquoi on appelait justement, puisque je sais que vous aimez savoir d'où vient l'origine du nom d'un... Ah bah ouais, absolument. Ouais. Bah tout simplement, et ça tient tout à fait la route, et j'ai vérifié, parce qu'il y a eu différentes versions. En fait, c'est tout simplement parce que les chauffeurs de camion l'interpellaient quand elle était serveuse, et quand il l'interpellait, bah, il disait Blondie, hey Blondie. Ah ok. Tout simplement. Donc okay. C'est resté. Voilà. Alors Blondie obtient son premier contrat avec la maison de disque Private Stock Records au début de l'année 76, et elle sort son premier single qui s'appelait donc X Offender, et ça c'était en milieu 76. Alors évidemment, toujours dans la même année, son premier album qui sortira hein, quelques mois plus tard, puisqu'il sortira en décembre 76, sera sobrement intitulé Blondie. Premier succès commercial du groupe aura lieu en Australie en 77 grâce à la vidéo In The Flesh, mais surtout avec la face B du single de X Offenders, donc le titre qu'on vient d'entendre. Février 78 sort le deuxième album du groupe, Plastic Ladders, et il est enregistré sans Gary Valentine qui avait déjà quitté le groupe. Alors le premier single, et ça je vous ai dit, ah oui, je m'en souviens, premier single, c'était Denis. Et sérieusement, si, on dirait du Sheila dans sa version, version anglaise un petit peu. Non, ouais. Pas. Alors, il faut savoir que Denis, en fait, c'est pas une compo hein, du groupe, puisque c'est déjà une reprise qui date de 63, qui à l'origine s'appelait Denise. Ah d'accord. Non pas Denis, de Randy and the Rainbows. Et bien que, il faut savoir que la maison Chrysalis avait déjà insisté pour que le groupe la réenregistre avec une traduction française grammaticalement plus correcte. Parce que c'est vrai que quand en français. Oui. Ah ouais. Oui, Denise, à l'origine c'est ça le prénom, puisque c'est issu du titre de 63 qui s'appelait Denise. Alors le groupe et le producteur Richard Gotterer ont préféré la première prise, en fait c'est celle qu'on entend. Richard Gotterer, c'est ça? Gotterer. Ah, Gotterer. Non, pas Gotterer. Et le single a quand même atteint la seconde place des charts anglais. Alors le troisième album, ce qu'ils appelaient à l'époque Parallel Lines, qui était donc, on était toujours en 78, sorti la même année que le précédent, donc, hein, était produit par Mike Chapman et devient son plus grand succès avec 20 millions d'albums vendus dans le monde. C'est déjà pas mal pour un nouveau groupe. Bah, surtout à l'époque, millions, ouais, c'est pour du vinyle à l'époque, c'est on avait... Les, oui. Les presque. Okay. Alors évidemment, de ce troisième album, il y a un premier single qui était issu de cet album qui s'appelait Picture This. ça, ce titre-là était classé numéro 12 au Royaume-Uni. Il y a eu également un deuxième single qui s'appelait Hanging on the Telephone et qui est également une reprise des Nerves. C'est un groupe, les Nerves, qui datait de 76. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it off the wall. Évidemment, bon, y a quelques titres qui vous parlent un petit peu moins dans ce que je vous ai passé. C'est sûr que le groupe va littéralement se faire connaître, en fait, avec la sortie du troisième single, puisqu'il s'agissait, à l'époque, je te le donne en mille, Out of Glass. Ah oui, bah oui. Voilà, donc Earth of Glass, et c'est donc évidemment avec ce titre-là que le groupe va connaître un succès mondial. Le titre se hisse en tête des charts américains en avril 79. Le single suivant, alors ça aussi, je ne sais pas si il va vous parler, mais moi je le connais, qui s'appelle One Way or Another. Oui, ça a été, alors ça a été repris par les One Direction il n'y a pas très longtemps. Exactement. Ah, super la culture. Je l'ai encore entendu il y a quelques jours dans mon téléphone. Oui, bah, super. Oh, ouais, okay. Ça marche. Mais ils le refont bien. Oui, oui, oui, c'est super. Ouais. Mais ça, non, mais ça donne ça. Alors c'est bizarrement, donc c'est ce titre-là en fait qui a cartonné les USA, alors qu'à la même époque, et c'est toujours du même album, c'est un titre tout à fait différent avec Sunday Girl qui est classé numéro 1. Oui, tout à fait. Mais ça crée contraste. Pardon, juste, ça, on dirait du Lio en anglais. On dirait du Lio en anglais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, excusez-moi. Mais... Là, mais à un moment, quand dans cette époque-là, ouais. On dirait exactement ça. Et j'avais même envie de dire, je le disais hors antenne, c'est qu'on a l'impression que dans ces titres, on avance dans les années et parfois on régresse. Enfin, ouais, tout à fait. Musicalement, on régresse, non. Enfin, on part sur. Mais on même, sur même les sonorités, je les trouve absolument. Plus anciennes pour certaines ouais. chansons. Alors que c'est issu du même album. C'est le contraste, en fait, quand même, pour dire que les styles étaient totalement différents. Ah, carrément. Au niveau de ce qui plaisait aux States, c'est. Voilà. Et ça, c'est sur la même époque. Alors évidemment, il y a eu d'autres choses, hein, puisque c'est pas le que la, on n'est pas qu'au début de sa carrière. Il y a eu un quatrième album, Hit on the Beat, qui paraît en octobre 79. Il est bien accueilli par la critique. Et là, encore un grand titre avec le singles, entre autres, Atomic. Ah bah. We'll be right back. Alors il y a d'autres titres, hein, toujours issus de cet album, je vous passe les titres, hein, mais Dreamin' et Union City Blue qui sont aussi d'autres extraits et qui ont été des succès. Alors le single suivant de Blondie, évidemment, ça vous l'avez deviné, puisque il est incontournable, on y arrive, c'est le fameux Call Me, issu de l'album Auto American qui sort en 80 et qui est le fruit d'une collaboration de Debbie Harry avec l'auteur-compositeur-producteur italien Giorgio Moroder. Ah tiens. Voilà. Alors évidemment, donc, après son succès de 78 et 80, Blondie fait une pause pendant laquelle, bah évidemment, Debbie Harry et Jimmy Destri sortent chacun un album solo. C'est ce qui arrive souvent dans les groupes quand il y a des scissions. Le groupe se retrouve toutefois en 80 pour enregistrer et sortir l'année suivante leur sixième album, The Enter, mal reçu, et les deux singles de l'album, entre autres avec ce titre Island of Lost Souls. Ça, moi, par contre, ça me fait penser à la chanson de dans Dirty Dancing de la sœur de bébé qui chante. Ouais, tu sais, la chanson. Ouais. Exact. Exact. Elle est capable du meilleur comme du pire. Mais oui, ça, mais justement, alors pourquoi je vous ai choisi ce titre-là, entre autres avec War Child, hein, c'était deux singles qui avaient été choisis pour être extraits de cet album-là. Bah, au final, on s'en doutait, ont eu un succès plus que modéré. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Alors la rupture est proche, évidemment, depuis que des tensions naissent au sein du groupe en raison du déclin commercial. On s'en doutait, hein, un petit peu, quand on entend ce qu'on vient d'entendre. C'est là qu'on est content de penser ce qu'on pense. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et de la focalisation de la presse sur Debbie Harry, évidemment, les autres membres du groupe se sentant franchement ignorés. Alors en 82, donc c'est l'année de la séparation, Blondie a au total sorti 6 albums studio, chacun présentant une progression stylistique, c'est ce qu'on disait d'ailleurs en antenne, on peut voir quand même l'évolution, hein, par rapport au précédent. Le groupe est connu non seulement pour le personnage de Debbie sur scène, ça c'était inévitable, mais aussi pour ses performances vocales et ainsi que pour la variété des styles du groupe. Alors, en collaboration avec Stein, Debbie relance sa carrière solo en 86 avec l'album Rockbird et le single In Love With Love. Alors ça, je ne vous ai pas indiqué, mais c'est sorti donc en 87 et ça va se classer quand même numéro 1. Alors pendant les années 80 et 80... Oui, ça a quand même été classé numéro 1. Ouais. Comme le titre que je vous ai passé précédemment, hein, c'est peut-être moins parlant pour d'autres personnes, mais moi je l'ai bien connu, notamment à l'époque d'MTV. Quoi. Alors pendant les années 80 et 90, la musique de Blondie commence à être de nouveau reconnue par une nouvelle génération de fans et d'artistes tels que justement Madonna et Gwen Stefani. Et en 90, Debbie réunit Stein et Burke pour une tournée d'été. En 96, Chris Stein et Debbie Harry commencent le processus de réunification de Blondie et reprennent contact avec les membres du groupe. Toutefois, donc, Burke, Destry et Valentine. 97, le groupe est reformé. Une tournée internationale a lieu fin 98 et début 99. Un nouvel album qui s'appelait No Exit est publié en février 99. Alors cependant, Nigel Harrison et Frank ne participent pas à la réunification et tentent en vain de poursuivre le groupe pour l'empêcher de se reformer sous le nom Blondie, comme ils avaient été exclus du truc. Quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais. Tout simplement. Alors, pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça avait donné, ben, il y avait un single qui est sorti qui s'appelait Maria. Cool as air. Ooh, it makes you Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée de ce qui a été fait. Et ce titre-là est sorti exactement 20 ans après le tube Heart of Glass. Alors, en 2014, le 12 mai, pour être plus précis, Blondie fêtait ses 40 ans de carrière en sortant le coffret Blondie Fort, avec le chiffre 4. Ouais. Blondie Forever, avec le, toutefois le 0 entre parenthèses pour 40, composé de compilations de ses classiques réenregistrés et d'un nouvel opus baptisé Ghosts of Download, avec la participation de, et ça vous devez connaître, ça vous parler, Bess Ditto, oui, de Gossip. Oui, Gossip. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est, qui, est donc, qui accompagnait donc Debbie Harry pour une nouvelle tournée à cette époque-là. Et aujourd'hui, bah, Debbie Harry, oui, elle va fêter en juillet donc ses 72 ballets et elle tourne toujours. Eh bah, 72 ans. Voilà. Eh ouais, ouais. Bah, si vous ne connaissez pas encore, allez voir hein, sur internet les derniers, ces dernières tournées. Voilà, bien vieilli comme. Enfin, bah, bah, je trouve qu'elle n'est pas si. Non. Bah, allez, bah, franchement. C'est ouais. Parce que t'as vieilli aussi. Ça fait, il va nous refaire la blague. Hein. Il la refait, hein, mais. Ouais, mais faut expliquer pourquoi les nos auditeurs ne peuvent pas le bon, voir. Bon, de toute façon, je pense que Lily Quay, ça vous parlait, Blondie, évidemment. Oui, bien sûr. Est-ce ouais. que ça vous a inspiré, voilà. du Blondie dans ce que vous faites ou Non, pour être honnête, même si ça, forcément on a une petite culture musicale, donc forcément ça nous parle, mais non, on n'a pas ces influences-là forcément. Si on vous parle d'années 80 justement, parce que vous l'avez compris, l'émission 80 à l'heure est une émission spécialement normalement années 80, vous, si on vous parle des années 80 musicalement, vous nous parleriez de qui? Ben, moi, il y a deux groupes qui me viennent en tête, ce qu'on disait tout à l'heure, Noir Désir, parce qu'ils sont, ouais. ils ont apparu ouais. en 88, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est possible. Deuxième moitié de 80. Ouais, et ouais. Nirvana. D'accord. Oui. Alors, je pense que c'est dans les années 90 plus. Alors, quand même. Ouais, Nirvana, 89. Ouais. 89, Nirvana. Ouais, mais Texas, non? Ah, ils ont été connus en 91. Peut-être pas. Non, Texas, je suis pas un grand fan, non. Ah, tu vois, comme quoi. Après, il y a quelques morceaux. Mais c'est pareil, U2, par exemple, qui est. Il y a des, pour moi, des morceaux cultes, non, mais. Bien et pas bien, tu vois, je sais vraiment. Oui, mais voilà, pour moi ce serait plutôt ça. Après, je sais pas pour les copains. Les formants. Non, du tout. Les baskets. Ah, voilà, tu vois, Flip 4. Ah non, il a pas dit que c'était les formants qui l'influençaient, c'est les baskets en fait qui l'influencent, c'est ça. Alors, Tom, toi pour toi, ça serait quoi les années 80? Bah, moi, c'est plus Noir Désir. C'est vrai qu'il y avait téléphone aussi. Ouais, quand même, ouais. Quand même. Oui, au 80, il y a le téléphone. Ouais. Alors Simon, c'était toi, du filaire, Simon, mais bon, pour toi, les années 80. Banné, par contre. Bah moi, en fait, c'est pas vraiment une période qui m'influence énormément. Donc je sais pas ce que je fous là, en fait. Ouais. Mais non, c'est. Donc on va te demander de sortir, d'accord, si tu veux bien. Bon, non, je plaisante, reste avec nous. Hein, Non, honnêtement, c'est pas une période. Peut-être ouais, des groupes de heavy, type. Ouais. Je pense Maiden, c'est les années 80, bien. Choses comme ça. Ouais, une influence. Metallica, encore mieux. Oui, bien, excellent. Ouais. Rock voisine. Les Guns, c'est toi. J'ai compris Rock Voisine. Ouais, Guns N' Roses, ils ont commencé en 85. Du Motorhead, non? C'est bien possible. C'est un petit peu de Motorhead. Ouais. C'est vrai, en plus. Alors, je dis sans déconner, mais c'est bien. Ah oui, très bien. Bon, les gars, il nous reste 15 minutes. Oui. Très peu de temps. Alors, moi, ce que je vous propose, on se fait une petite coupure musicale, on se fait un petit live. Et derrière, on enchaîne alors, sur les sorties cinoches de Sherlock pour le défi Mix 80. Je sais pas comment on va faire, mais tu reviendras. Alors, on se fait comme ça, on se fait juste une petite coupure musicale. On peut se faire un défi Mix de 3 titres seulement. 80. Ah, non, ça va être un peu chaud. 80 à l'heure, l'émission qui te fait un mix de 8 trucs, plus 2 lives, plus un machin en 15 minutes, mais qui prennent 45. Voilà. Vous allez voir ça. PM, t'inquiète. On fait comme ça, juste une petite coupure musicale. On va se faire une petite coupure musicale avec un titre studio de Lily Quay. Ouais. Okay. Ah, ce sera un bon petit truc. Et puis juste derrière, on enchaîne avec un titre live de Lily Quay. Bah, ça sera un bon programme, ça. C'est super. Alors, sur l'album, évidemment, donc À peine perdu. Eh bien, vous allez retrouver l'un de ces titres qui est Sur les lèvres. Sur les lèvres. Donc, alors là, Sherlock, il dit j'étais pas prêt. Non, c'est bon. Ah, d'accord. Pas de problème. Voilà. Bon, tu viendras après dans le bureau pour la convention de stage. Hein. Ok. T'as pas eu un décollage? Ouais. Non. Allez, c'est parti. Arrête, on a des subventions pour les handicaps. Machine ronronne et mon linge tourne. L'odeur de la poudre me grille les neurones. Les idées perdues au lavomatique en bas de la rue. Ça fait longtemps que j'attends que l'atmosphère chez moi se détende. une dispute a éclaté avec ma belle fiancée. La porte s'ouvre et sa cloche sonne. Tu rentres vite d'un air qui se soucie de personne. Je tends un œil, tu te croyais seul. On était seul, j'ai sur les lèvres un goût trop peu incompris, comme dirait l'autre, pas vu, pas pris. J'ai sur les lèvres un goût à toi qui, malgré tout ce que je fais, ne s'en va. Quelques pas devant moi, comme si je n'existais même pas. Un regard furtif suffit pour que mon cœur devienne explosif. Ce sont les manières que je ne pensais pas faire. T'es pas mon genre, mais pourtant je veux te plaire. Tu t'approches de moi, je sens ton souffle, je ne recule pas. Un goût trop peu, un goût trop pris, comme tu l'as vu pas pris. J'ai sur les lèvres un goût à toi qui, malgré tout ce que je fais, ne s'en va pas. J'ai sur les lèvres un goût trop peu, un goût trop pris, comme tu l'as vu pas pris. J'ai sur les lèvres un goût à toi qui, malgré tout ce que je fais, ne s'en va. On a tremblé tellement fort que même nos os ont bougé. On a tenté jusqu'au bout que les secondes souriaient. On a pensé qu'à deux, que même les autres n'existaient pas, et que les pas déterminés ont quand même su nous éloigner. On a fermé les yeux, on a joué le jeu. Mais après ce baiser, c'est quand même séparé. Sans se jeter un œil, je voulais rouler mon orgueil. Il y avait une chose qui me dérangeait, mais je pouvais pas le surmonter, je peux pas jouer au mal. Mais merde, t'es quand même un homme. Je veux refermer les yeux, je veux refermer les yeux, je veux refermer les yeux, je veux refermer les yeux, je veux refermer les yeux, je veux refermer les yeux, je veux refermer les yeux, je veux refermer les yeux. Et oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, c'est l'émission 80 à l'heure. Et là, on vient de s'écouter un titre studio donc de Lily Quay. C'était Sur les Lèvres, donc tiré de leur dernier album qui s'appelle À peine perdu. Enfin, dernier album en date, hein, parce que on attend vivement le prochain à entendre les titres qu'on a là. Et on va justement s'entendre un titre live. Ouais. Ouais, et puis alors... c'est bien ce que vous avez fait, les gars. Merci. Non, écoutez, non, c'est vrai, c'est bien. Hein. C'est bien. Parce qu'on rappelle qu'ils sont de votre lot et que voilà, on produit quand même pas mal de groupes. Et c'est pas facile tous les jours. Découper un deux. Et c'est une ville, je trouve que c'est une ville qui se bouge le cul. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours en ce moment et tout ça. Mais c'est vrai que vous assurez, quoi. Donc faut vraiment aller voir le 24. Hein, je dis pas de bêtises. Le 24. Le 24. La boîte à musique. Hein. La boîte à musique, le 24, il faut aller les voir. Et puis maintenant, en live, quel titre? Le coup. Alors, tu l'écris comment, le coup? J'adore. Il faut que tu précises sur quoi, Canon. Ah, bah pourquoi tu l'es. Ah, le. Faut qu'on précise. Le coup de la vie. Ah oui, non, non, non, moi c'est le coup. Ah, d'accord. Et bon, on découvre ça. Allez, vas-y, tire-le. L'excès de cette nuit nous a rendu seul. Dans la fraîcheur nacrée de tes bras, encore. Se noyer lentement dans l'entre de mes bras. Les envies approchent, je frappe la frayeur. Rappelle-nous comment s'écrit le coup. C'est O-U-P. Alors, te lécher le coup, c'est O-U-P. Alors, non, non, ouais, bah, c'est un jeu de mots, bien sûr, mais c'est, on parle du coup. D'accord. De la gorge, d'accord. Et c'est, voilà. Donc, on comprend que, voilà, c'est un peu explicite, quoi. Bien sûr, voilà, tout à fait compris. Je voulais dire, il y a dès l'intro, moi, ça m'a rappelé quelque chose, en fait, la reprise de Johnny Cash de Personal Jesus. Ouais. Mm-hmm. Ah oui, ouais. Voilà, ouais. Donc je me dis. Ouais. Mais Johnny Cash, j'adore. Hein. C'est, ah bah c'est bien, c'est... voilà. Ah ouais, Personal Jesus bah, comme Dépêche-moi de... Oui, oui, c'est, bah, c'est la, le, oui, de, mais la reprise de Johnny Cash. Ah ouais, voilà. Toute la et l'intro au niveau de la guitare, ça m'a d'entrée... Voilà. Dans on a des influences très bluesy en ce moment ouais. Qui arrivent avec voilà. Les effets de corps, les glissements de jeu et choses comme ah, ça. Bah, c'est pas mal. Voilà. Par contre, moi, dans ta chanson de, enfin, ta façon de chanter, ça m'a rappelé 16. Ah mmh. 64 ouais. Bah, plus en fin de soirée, ouais. Mais... Ah, c'est ça, ouais. Précise 16, quoi. 16, 16 c'est. 16. Chanteur, chanteur 16. Ouais, ouais, oui, le chanteur 16. S-A-Z. Celui qui chantait puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque les hommes crèvent. Ah oui, pas Benoît XVI soupape, hein, pas le bel ancien pape. Hein. Non, Damien XVI. Ah, il avait un nom. Eh oui, oui, il avait un nom. Oui, donc bah, c'est des influences. Voilà. Donc rappelons ouais. Que Lily Quay, évidemment, donc, on les retrouve donc, le 24 février à la boîte à musique à 20h. C'est gratos. Donc toute réservation, vous les faites soit à l'office de tourisme de votre lo, soit directement à la boîte à musique, ou vous y allez le soir même, tout en sachant qu'il faut vous présenter un peu plus tôt si vous voulez avoir ouais. Une bonne place. Voilà. Sherlock, oui. Sortie Cinoche. Si tu veux. Alors, est-ce qu'il y a quelques films que tu vas... Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Ouais, est-ce qu'il y a un terrain... Il est un déjà motivé tout seul. Ah, allez voir, écoute, dis-moi. On va essayer. Je vais essayer quand même de vous faire aimer le cinéma. Ouais. C'est pas gagné. Pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. C'est ça, c'est pas gagné. Allez. Bon, comme on n'a plus beaucoup de temps, vas-y. Alors, donc voilà, je vais commencer tout de suite avec un film qui sort demain en France et en Belgique, qui s'appelle 50 nuances plus sombres. Oh là là. Ça va faire plaisir aux filles. Hein, quoi le mec qui était resté sur la chronique d'anglais. Ah non, d'accord, non, il faut plus deviner. Ah, le film pour adolescents, là. Bah, c'est un peu le truc de graines de plaisir qui va passer. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc c'est avec Dakota Johnson, Jamie Dornan et Bella et Scott. C'est un film de James Foley. Et donc, c'est Christian, donc, Christian, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Oui. Christian Grey, ouais, merci. qui est blessé, qui tente de recréer le mec. C'est donc, pas le mari de Denise. Hein. Non, du tout. Donc, c'est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminés à détruire un quelconque espoir de vie commune. Super. Voilà. Ouais. Bon, ça m'a l'air aussi chiant que le premier. Je le dis clairement comme moi je l'ai ressenti. Hein. J'ai pas vu le film, mais par contre, le livre, on m'en avait dit beaucoup de bien. J'ai pas vu le film, mais ça m'a l'air plus chiant que le premier. Il va falloir que tu m'expliques. Enfin, je comprends pas tout, Sherlock. J'ai vu le film, mais en accéléré, en fait. Parce que j'avais commencé à regarder le film. Et je me suis fait chier dès le début, donc j'ai passé aux passages qui étaient censés être les plus intéressants, ouais. C'est-à-dire les scènes de sexe. Mm-hmm. Et je me suis fait chier aussi, en fait. Ah ouais? Donc, voilà quoi. Bah, il n'aime pas le sexe, quoi. Sherlock. Mais non, en fait, c'est parce que ce film, l'histoire n'a ni queue ni tête, en fait, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Alors, un autre film, d'accord, alors. Voilà. Donc, un deuxième film, là, c'est plus pour les enfants, donc c'est Lego Batman. Bah oui, ouais. Oh là là. Ouais. Ah ouais, ça sort en France et en Belgique demain. Donc c'est avec les voix notamment de Ryan Mencetti, Stéphane Bern et Antoine Griezmann. C'est un film de Chris McKay et donc c'est les nouvelles aventures du chevalier noir de Gotham. Parce qu'elle a une voix comme ça. C'est quoi le rapport avec les Lego? Bah là c'est en Lego. Oh là là. Eh ouais. Mais eh, non, attention parce que la franchise Lego fait les super bons films. 50 nuances de gris. Ah ouais, mon gamin il regarde bon, ça. 5, non, 50 nuances de gris en Lego par contre. J'ai un doute par contre. Donc ça se passe à Gotham City. Une cérémonie est organisée en l'honneur de Bruce Wayne qui remporte le prix de l'homme de l'année. Et la fête tourne au chaos lorsque le Joker fait une entrée fracassante sur la scène accompagné de sa horde de psychopathes, dont le Sphinx, le Pingouin, Double Face et Catwoman. De ce fait, Batman passe à l'action pour tenter de coincer ses invités surprises, mais l'un d'eux parvient à s'échapper. Donc c'est tourné un peu sur le ton de la comédie. On voit notamment Robin, avec la voix de Ryan Mencetti, qui choisit son costume qui est complètement... c'est le Robin comme la série des années 60. Hein, ouais. Il dit « Ouais, j'aime pas ce caleçon, il est trop moulant. » Et clac, il le retire, il fait « Je préfère rester en slip. » Tu vois, c'est... D'accord. Ouais. Voilà, quoi. Ça donne envie. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Là, tu es forcément au cinéma, je pense. Okay, ouais. Forcément, raconté comme ça, ça fait moins rigoler. Alors, ensuite, il y a Seul, mais avec un S. Ouais. Alors, c'est avec Sophia Le Saffre, Stéphane Bach et Jean-Stan Dupac. C'est un film de David Moreau. Ça sort également en Belgique demain. Donc, c'est Leïla qui a 16 ans, qui se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne pour la presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo et traverse son quartier vide. Tout le monde a disparu. Se pensant l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes, Doji, Yvan, Camille et Terry. Et ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui s'est passé, apprendre à survivre dans leur monde devenu hostile. Mais sont-ils vraiment seuls? Alors, c'est franchement... C'est tiré d'une BD. Ouais, c'est tiré d'une BD. Ouais. C'est un film français, mais j'ai franchement envie d'aller le voir. Au vu de la bande-annonce, ça donne putain, mais super envie quoi. Et là, j'ai dit putain, ouais. Ça donne, parce que, hein. Franchement, ça donne envie. Hein. Ça m'a vraiment donné envie de le voir. Il y a des effets spéciaux. On se dit, c'est un film américain. Ah ouais. Et c'est vraiment bien foutu. À voir, donc j'ai vraiment envie de le voir celui-là. Attention, okay. Je défends parce que mon fils travaille maintenant là-dedans. Les Français sont demandés par les Américains pour leur qualité d'effets spéciaux. Ouais, ouais. Ne pas confondre. Ouais, les Américains ont les idées et le pognon, mais ils demandent. Bon, il y a Lucas Hart, hein, je dis pas là, c'est vraiment le truc. Il y a Lucas Hart, mais ils demandent à Pixar ou pas mal de start-up françaises, ils sont 4-5 parfois, des talents de dessinateurs, machin, pour les effets spéciaux. Non, je dis ça parce que. Voilà. Non, mais on les embauche pas pour les films français en général. Donc. Ben voilà, c'est le problème en fait. On se demande pourquoi ça marche pas chez nous. Parce qu'on a la matière première, hein. On a les mecs qui font les bons effets spéciaux. Et en France, je sais pas, ça prend pas. Mais ce film-là, franchement, il y a des super bons effets spéciaux. Et à mon avis, dans la salle, tu risques aussi d'être seul. Mais bon. Je sais pas. J'espère pas, parce que franchement, ça m'a l'air d'être un très bon film. Ok. Et enfin, donc, je vais finir avec le film Silence, avec Andrew Garfield, alors celui qui jouait Spider-Man. Pas le premier, la deuxième série de films Spider-Man, ouais. Avec Adam Driver, qui jouait Kylo Ren, dans le dernier Star Wars, enfin Star Wars 7, c'est le grand méchant avec un casque, ouais. Et Liam Neeson. Ouais, d'accord. Oui. Bon, d'accord. C'est un film de Martin Scorsese. Ah oui, quand même. Ah, quand même, ouais. Et ça sort par contre en France le 15 février. D'accord. Donc la semaine prochaine. On dit d'accord, mais il y a quel âge maintenant, Martin Scorsese? Parce que je le voyais quand moi j'avais 7 ans. Je voyais des films faits par Martin Scorsese. Il y a 85, 90 ou quoi? Ouais, il a pu être tout. Ah oui, on est d'accord. Il y a des chances. Ouais. Alors donc ça se passe au XVIIe siècle. C'est deux prêtres jésuites qui se rendent au Japon pour retrouver leur mentor. Donc c'est Andrew Garfield et Adam Driver qui veulent retrouver en fait Liam Neeson, donc, qui est le père Ferreira. Qui a disparu alors qu'il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Et donc, au terme d'un dangereux voyage, il découvre un pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves. Alors, on n'a pas du tout l'habitude de voir Scorsese dans des trucs comme ça. Ouais, ouais. Il prend complètement à contre-courant et c'est, enfin, je me demande ce que ça va être, en fait. En fait, c'est un film qui voulait sortir depuis assez longtemps. D'accord. Et, il n'arrivait jamais à pouvoir mettre des images sur le scénario. Et là, il est sorti depuis. Ben, voilà, il y a eu l'idée, il a pu avoir les moyens, des choses comme ça pour pouvoir le faire. Puis, d'accord, vu son âge, tu vois, il commence à se rapprocher de Dieu. Ouais. Ouais, mon gars. D'ailleurs, au passage, on salue Johnny Hallyday. Pas de problème. Je l'ai toujours dit, les gars, j'en ai plus derrière que devant, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai. Ah bah c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Non mais je vous devance. On avait des doutes, mais maintenant voilà, on confirme. Voilà. On confirme, voilà. Mais, je vais vous enterrer. On avait des doutes, mais. Je vais vous enterrer. On confirme. Ouais. Bon, et bah les gars, et vous savez quoi, il est 22h30, c'est non, génial. Non, sans déconner. Mais, alors, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aller voir un film quand même? Bien sûr, évidemment, on va poser la question au groupe Liliquay. Guillaume, tu irais voir quoi? Seul. D'accord. Simon? On t'a pas dit comment? Ouais, pareil, seul. Après, il y a d'autres films qui sont sortis les semaines d'avant qui m'intéressent un peu plus. Lesquels, par exemple? Trainspotting. Oui, là exact, ouais, ouais. Le deuxième Trainspotting, ah ouais. Avec ouais. Qui? Bah, c'est les mêmes acteurs, c'est la même équipe, même c'est génial, toujours Danny Boyle. Toujours Danny Boyle, ouais. Donc ça, par contre, ça m'a... Ah tiens, parce que je pensais justement à ce film tout à l'heure en écoutant Blondie, puisque... il y a un des titres de Blondie qui est repris dans Trainspotting, la première version. Alors avec les mêmes acteurs, avec Carlyle et tout. La même équipe, même costumière et tout ça. J'ai vu un. Parce qu'ils ont pris un coup de vieux quand même depuis. Ouais, bah c'est justement en fait, c'est de ce que j'ai pu voir en fait, c'est donc les mêmes acteurs 20 ans plus tard, donc avec leur vie de papa machin. Et donc voilà, ils ont transposé l'aventure Trainspotting des années 90, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, ouais. À nos années actuelles. Ah, c'est un film de barré, ça, carrément. Ouais, avec des nouvelles drogues, machin. Donc, d'accord. Nouvelles expériences. Donc, ouais, non, ça me branche vraiment beaucoup, ça. D'accord. Mais tu t'en avais pas parlé, Sherlock, de Trainspotting? Non. Je crois que c'était la semaine où j'étais malade. Ah! Ça doit être ça. D'accord. Et c'était la seule fois où tu nous aurais donné envie d'aller au cinéma. Ouais, voilà. Désolé. Alors, Tom, t'irais voir quoi? Moi, j'irais plutôt voir seul Trainspotting. Ouais. D'accord. C'est d'accord. Ce que j'ai à dire à ce sujet. Ça marche. Eh ben, on va se quitter là-dessus, sur ces belles paroles. On va se quitter sur un dernier titre de Liliquay, tiens. Pourquoi pas à toi de nous dire, hein, puisqu'on en a passé quelques-uns, là. Bah, ça peut être chouette de faire moi avec la reprise, là. Pourquoi pas? On a fait une reprise de Brel. Hein. Qui est le plat pays, si vous voulez. Ah bah ouais, tiens. Voilà. Eh bah, le plat pays, on se quitte là-dessus. Le temps de se dire qu'on se retrouve donc la semaine prochaine. On rappelle que bah, sauf si souhaiter... ouais, sauf si t'as une Valentine. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je serai pas là, donc en fait, t'es tout seul. Eh bah, ben, je serai avec Flipkat, et puis... voilà, et puis j'ai sur réserve, hein. Ah, peut-être que Onissa sera là. Ah oui, pas. Non, elle sera pas là non plus. Bon, eh ben, on verra. On verra bien. on fait comme ça. On se quitte avec le plat pays, donc de Liliquay, que vous pouvez retrouver donc le 24 février, donc à la boîte à musique de Waterloo. Tenez-nous au courant de votre actualité. Bien un grand plaisir. Et puis merci d'être venu nous rendre visite. Entrée gratuite, hein, profitez. Ah bah oui, carrément. Et est-ce que c'est sortie payante comme Gustave Parking l'avait fait, c'est ça? Ah, vous devriez le faire, c'est sympa ça. Ah ouais. Entrée gratuite, sortie payante. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Et parfois on a de belles surprises. Ouais, avec un chapeau, pourquoi pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Eh ben, merci à vous. Ben, bonne continuation. Et puis merci donc Liliquay avec le plat pays, reprise de Jacques Brel, que vous retrouvez dans À peine perdu, dernier album en date. Allez, c'est parti. Avec la mer du Nord. Au dernier terrain vague,